CFOU.ca. 89.1 Trois-Rivières. Vous êtes à CFOU. À Trois-Rivières, c'est le 89.1. Le plan d'aujourd'hui, assemblage de qui? David Ferron sera avec nous pour feuilleter le premier numéro du journal Zone Campus de l'automne. Et on sera sportif de studio avec son foot du palmarès et sport effiloché. Assemblage de qui commence tout de suite. Assemblage de qui? Toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce mardi 27 septembre 2016. On est à 216 jours de la fin de l'année scolaire. 212, je m'excuse. Oh. Oui, 212 jours de la fin de l'année scolaire. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. Oui, oui, oui, oui, oui. Deuxième journée de suite où on utilise la chanson thème de Vanessa Paglietta remaniée par les résidus plasmiques. Pourquoi? Parce que j'ai osé appeler mes thèmes RP pour résidus plasmiques et RF pour renard frac. Oh. Puis apparemment que ma dyslexie se fait aller ce matin. Bon, c'est correct qu'on te pardonne, Mathieu. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que toi, tu vas bien, Tania. Ça va très bien. Oui, hier, c'était un soir d'impro. Ah, pour toi, oui. Oui, absolument. Donc, on va en parler avec Gabriel Béaud demain. Étrangement, on a changé l'horaire un petit peu cette année pour s'acclimater avec tout le monde. Et justement, c'est la raison pour laquelle David Ferron est devancé maintenant à 8h30 au lieu de 9h. C'est pas parce que cette semaine, on a une chroniqueuse à 9h, mais c'est qu'à partir de la semaine prochaine et aux deux semaines, on va voir Marie-Christine Perra à 9h. Donc, on a devancé tout de suite Zone Campus pour bien mettre le terrain pour ça, bien préparer, bien racler les feuilles. Tout à fait. Hey, je voudrais pas être raciste, mais... Fait noir en maudit dehors. Ouais, ouais, je sais, hein. C'est ça de même. Encore là, 7h35. Il mouille. Ben, c'est pas une pluie, c'est comme une bruine, là. Ouais. En tout cas, moi, c'était une bruine quand je suis arrivé à 7h15. C'est vrai. Juste assez tannant pour faire partir les wipers. Absolument, absolument. Donc, aujourd'hui, l'émission autre que le son de campus, on a aussi des choses qu'on va se faire, toi et moi. Donc, Tania Baudin avec Tania Esgalette-Tania. Plus tard dans l'émission, qu'est-ce qui s'en vient? Eh bien, on va parler, bien évidemment, de sport avec sport et flushé. Ah, oui! On va faire le retour sur les différents sports locaux et universitaires qui se sont passés durant la dernière semaine. On a quand même beaucoup à couvrir parce que la semaine, tu sais, on se rappelle, c'est quand même au mardi. Mm-hmm. Et la semaine dernière, bien, la plupart des matchs universitaires se passaient soit le mercredi, soit le jeudi, soit le vendredi. Donc, de ce côté-là, on a quand même beaucoup à discuter, mais vous allez voir, ça va quand même bien aller. Et on va aussi discuter parce que hier, c'était non seulement soir d'improvisation, Mathieu, ouais, mais c'était soir d'élection, c'était soir de débat électoral. Hey, j'ai manqué ça pour du vrai. Du côté des États-Unis. Je suis triste parce que c'était la soirée que j'attendais depuis un an à peu près, genre. Ben écoute, je vais te raconter de façon médiatique. Pas de spoiler, là. Non, okay. Pas de spoiler, mais tu sais, bien évidemment, j'ai regardé le débat, ouais, mais je me suis dit, qu'est-ce que les gens pensent sur Internet? Donc, ce matin, c'est ce que je vais faire. Génial. Si je m'endors pas sur le divan ce soir, c'est ce que je prévois faire de ma soirée, oui, taper le débat de la présidentielle américaine ce soir tu avec un délai. Ça pas grand-chose. Ben, c'est vraiment divertissant, le nombre je de sais, mensonges. Je sais. Ben, exactement. Tu vas voir. Donc, Sport et Filoché et Thalia Esgolin-Eugénia vers les 8 heures. En fin d'émission, on va essayer de se comprendre le vrai du faux. Mm-hmm. Le vrai, le faux. Donc, on va faire ça en fin d'émission. Et dans quelques secondes, à peine, on va faire son foutu palmarès. Et comme d'habitude, son foutu palmarès tombe le même jour qu'une de nos chroniques classiques. Parce qu'il y a des chroniques classiques tous les jours. Fait qu'il faudrait que ça tombe sur quelque chose. Alors, on a fait une thématique alimentaire, culinaire. Cette fois-ci, on va faire une thématique sportive. C'est vrai. Dans son foutu palmarès dans quelques instants. Mais avant ça, une pièce de White Horse. On monte sur son grand cheval blanc. Mais on a déjà eu une pièce qui s'appelait comme ça aussi, hein? My Babe! Oui, oui, c'est vrai, t'as raison, c'était qui faisait ça, non? Je me souviens plus. Ouais. Ça va pas plus bien, hein? Ça fait pas si longtemps que ça. J'aurais pas dû le dire, ça. Avant, on sort des affaires qu'on sait pas trop, un peu comme Donald Trump, finalement. Et voilà. Donc voici White Horse et My Babe. Assemblage requis. C'est pour 89 ans. Jusqu'à 9h30. She don't stand no cheating, my babe. Oh yeah, she pense que je sais, c'est de quelle pièce tu parlais, là, que My Babe, ça ressemblait à My Babe. Là. C'est exactement ça. C'est cette chanson-là. Alors, My Babe de White Horse. Ben, c'est écrit 4 semaines sur le palmarès, mais comme les semaines sont très longues, assez fou pendant l'été, ça peut être jusqu'au mois de juin. Ça. Exactement. Donc, en fait, c'est juste un oubli de ma part, mais ça a été là pendant 4 palmarès. Et ce l'est encore. Oui. En 13e place anglophone. Donc, on pouvait même pas savoir de qui ça venait. C'était deux. Elle parle pour toi. Donc, je ne savais pas plus. C'est vrai. Donc, toujours assemblage requis. Maintenant, c'est le moment de faire une petite thématique sportive. Donc, take me out to the ball game. Non, take me out de son foutu palmarès. Oh. Ça. La chronique dans laquelle on établit une liste sur un sujet plus ou moins précis. Et comme j'ai dit plusieurs fois depuis tout à l'heure, c'est une thématique sportive aujourd'hui. Mathieu, est-ce que tu es en train de me dire que tu commences à apprécier le sport? Non. Ah, OK. Non, jamais. J'avais espoir. Ah, ben, peut-être que tu vas m'avoir un jour, mais bon. Donc, aujourd'hui, on va parler, pour commencer, de noms de sport à l'époque. OK, oui, ben oui. Parce que les sports ne se sont pas toujours appelés par les noms qu'on connaît. Non, c'est vrai. Hein? Donc, peut-être que Tony Hawk, dans une autre vie, aurait pu être un leader de sidewalk surfing, de surf de trottoir. Ça aurait pu. Peut-être ben oui. que Forrest Gump aurait pu être un bon joueur de whiff-waff. Oh, c'est pas, donc c'est ce qu'on va apprendre. Le whiff-waff. Commençons par le kitten ball. Veux-tu essayer de deviner ce que c'était? Le kitten ball. Le ballon minet. Ouais, le ballon minet. Le ballon chasseur? Non. C'est le nom de la balle molle. Ah, pour vrai? À l'époque. Donc, ça s'appelait le kitten ball quand c'est arrivé sur la scène en 1895. Entre cette période-là et 1926, on a aussi appelé ça le diamond ball, le mush ball et le pumpkin ball, pour aller avec l'Halloween un peu. La phrase balle molle a été inventée en 1926 par un certain Walter Hackinson du Denver YMCA. C'est un gym. Ah, un gym. Ouais. Ensuite, veux-tu deviner qu'est-ce que c'est le battle door ou encore le shuttlecock? Il y a un indice dans shuttle, je pense. Ou le cock même. Ouais. Shuttlecock, battle door. Shuttlecock, mon Dieu, je trouve pas que ça donne un grand indice. Non. Mais le battle door, je dis les doors? Non. L'indice, c'était battle door comme dans badminton et shuttlecock comme un shuttle, c'est une navette qui passe en... C'est vrai. En même temps, ça pourrait décrire pas mal tous les sports. Ouais, c'est ça l'affaire. Bref, c'était le badminton. C'est pas exactement le badminton, ça a évolué pour devenir le badminton plus tard. Donc, le battle door et le shuttlecock, c'est un jeu similaire au badminton sans le filet. Ah, OK. Les joueurs essayaient de garder le shuttlecock dans les airs aussi longtemps que possible en le frappant avec des raquettes qu'on appelait des battle doors. C'est cute, hein? Très cute. Ensuite, celui-là, je pense que encore plus facile, le mintonette. Le mintonette. Volleyball. C'est ça, tu y allais par association, par élimination, vu qu'on vient de parler de badminton. Ouais, c'est ça. Mais je cherchais tout ce qui avait un filet. c'est aussi du badminton, justement. Non, en fait, c'est du volleyball, je m'excuse, t'as raison. Ouais, j'ai raison. T'as raison, c'est du volleyball. Donc, à l'origine, on appelait ça du mintonette parce que le jeu ressemble au badminton. Donc, les joueurs gardent un objet dans les airs par-dessus un filet. Son créateur s'appelait William G. Morgan. C'était le directeur du YMCA de Massachusetts. Donc, il a nommé quelque chose de similaire à un sport existant. Le nom a été changé lorsqu'un joueur a suggéré que la balle faisait un mouvement de volley, donc volleyed, le verbe volleyed, par-dessus le filet comme un canon. Et donc, éventuellement, le terme a fini par coller. Ensuite, qu'est-ce que le sphéristique? Sphéristique? Le sphéristique. Je vais avec le saut à la perche. Le saut à la perche? Oh, crime, on va loin. Hein. Apparemment que c'est le tennis de gazon. Ah, OK. Donc, le tennis qui existe d'une forme ou d'une autre depuis des siècles, mais en décembre 1873, Major Walter Clopton Wingfield, qu'on appelle MWCW, a inventé le sphéristique ou le tennis de terrain ou de gazon pour amuser ses invités dans des garden parties. C'est similaire au jeu moderne du tennis, plus qu'aux versions précédentes. Les anciennes versions qu'on appelle maintenant le vrai tennis, le real tennis pour le différencier, du jeu que les sœurs Williams, auxquelles les sœurs Williams jouent. Donc, William Shakespeare mentionne le vrai tennis dans Henri V, sa pièce de théâtre. Je me dis qu'il va commencer avec un livre. Est-ce qu'il faisait du théâtre en premier ou un livre qui a donné des pièces de théâtre, Shakespeare? Je sais pas. Et bonne question qu'on se pose là. Et que c'est ce... J'ai aucune idée. Ensuite, qu'est-ce que le paddle racket? Je veux dire quelque chose avec des raquettes, bien évidemment. J'aurais dit ping-pong, mais... Ouais! Mais c'est pas du ping-pong, non? OK. C'est du racquetball. Ah, du racquetball. Donc, Joe Sobeck a inventé le racquetball en 1950, mais c'est pas comme ça qu'il l'a appelé. Il a nommé sa création Paddle Rackets. Il a éventuellement fondé la National Paddle Rackets Association en 1952. Ça a pris de la popularité. Le joueur de tennis professionnel Bob McInerney a commencé à appeler ça du racquetball et le nom a commencé à coller encore une fois. Ensuite, qu'est-ce que le paille-maille? Ça, le polo. Le polo. Ah, oh, j'avoue, paille-maille. Ça a eu du sens, mais non, c'est du croquet. Ah, ben on n'est pas loin, c'est presque pareil. Donc la première fois qu'on a publié le mot croquet était en 1856. Avant ça, le jeu préféré de la reine de cœur s'appelait Pai Mai ou plusieurs autres variations comme Pall Mall. Ça me fait penser aux cigarettes, je pense que les Pall Mall, il me semble. Sinon le Pale Mail, donc clairement les dérivés du mot en français Pale Mail. Donc les premières descriptions du Pai Mai suggéraient qu'à un certain point, on jouait ça sur un grand terrain comme au golf et ensuite ça a évolué sur une version de cour arrière ou de terrain, comme on la connaît aujourd'hui. Comme on le connaît. Ensuite, qu'est-ce que... Ben, je l'ai dit tantôt. Ouais. Le sidewalk surfing. Le skateboard. Le skateboard. Donc, on peut comprendre quand même ce que ça veut dire, du surf de trottoir. Le sport serait originaire de la Californie. Les surfeurs cherchaient un remplacement pour le surf lorsque les vagues n'étaient pas appropriées. Ah! Qu'est-ce que le whiff-waff? Ou le gossiment. Ou le gossiment. Bon, le whiff-waff. On a déjà passé le badminton, le volleyball, le tennis. Je veux dire le ping-pong. Oui, le ping-pong. Avoue que le son quand même whiff-waff comme une balle. Ça fonctionne. Donc, la classe supérieure britannique a développé le jeu, nous dit-on, dans les années 1880, en utilisant des livres pour frapper des balles de golf bord à l'autre par-dessus une barrière centrale. À l'époque, ça s'appelait le whiff-waff, mais quand on a commencé à essayer de vendre des raquettes et des balles, on a commencé à appeler ça le gossiment. Et ensuite, c'est devenu le ping-pong. Donc, on voit sur assemblagerequis.com un ensemble de gossiments avec des raquettes en cuir. Ça a l'air très sophistiqué. Ça a l'air vraiment vieux. C'est très beau, pour vrai. Jouer au ping-pong avec ça, ça doit être quand même le fun. Je me souviens que c'est une peau d'un certain animal qui est sur la raquette en plus. Ouais. Ensuite, qu'est-ce que le shovelboard? Le surf. Non? En fait, le shovelboard, c'est l'équivalent du shuffleboard. En français, je me demande comment on appelle ça. Attends un petit peu. On va aller voir pour être sûr. Le shuffleboard. Ah ben écrit, mais on appelle ça la même chose en français. Je ne connais pas ce sport, j'avoue mon ignorance. Tu connais ça? Ben, le nom me disait quoi, mais je suis vraiment pas certaine. C'est un jeu dans lequel les joueurs utilisent une palette en forme de balai pour pousser des palets qui glissent le long d'une allée de forme allongée. Le but étant de les envoyer dans une cible un peu comme... ça ressemble un petit peu au... mon Dieu, oui. Ouais, okay, ben ça, la grosse affaire de marbre. La grosse affaire de marbre. Sur glace. Sur glace. Curling. Ah, le curling. Ça ressemble au curling. Oui, mais c'est sur une table vraiment de bois, ça, là, où ça se jouait aussi par terre dans le temps. Là, celui-là mais se jouait par terre, en fait, joue encore. Une table de shuffleboard. Tout à fait. Ça me fait penser un petit peu à du Mississippi. Moi, un peu. Bref, hein, du shuffleboard, donc bien avant d'avoir été considéré comme une activité pour le plaisir, pour les amateurs de bar ou pour les personnes âgées, le shuffleboard était un jeu royal. Le roi Henri VIII aimait bien le chevillaboardé, donc on appelait à l'époque comme ça, mais c'était donc du shuffleboard. Il refusait de jouer de laisser le petit peuple jouer. C'est méchant. Je refuse le petit peuple de le jouer quand tu petit pot de beurre riserai. Ouais, c'est ça. Et finalement, qu'est-ce que le kick baseball? Ben, le soccer. C'est du... Le kick baseball. Kickball, apparemment. Des sports qu'on connaît un peu moins. Ouais. Donc, si vous êtes familier avec les règles du kickball, ce qui n'est pas mon cas... donc vous allez peut-être pas être surpris que le kickball ait été inventé par un superviseur de terrain de jeu pour enseigner aux enfants les règles du baseball. Mais je pensais que ça se jouait juste dans les écoles primaires, cette affaire-là. Peut-être. C'est pas une discipline olympique, là, tout Non, je penserais pas. On va aller voir la définition parce que moi, pour vrai, je suis très, très loin de connaître ces affaires-là. Tu connais pas le kickball? Ça joue avec un gros ballon rouge. T'as jamais joué à ça aux primaires? Le ballon rouge? Oui, non. Un peu la même chose qu'un ballon chasseur. En fait, les professeurs utilisaient le même ballon que le ballon chasseur, mettons. Okay. Un gros ballon gonflé, qu'on dit. Oui, ouais, puis tu joues à ça sur un terrain de baseball. Et on le kick à la place de... C'est exactement le même. C'est un mélange de baseball et de soccer. Et ben... donc, à travers les années, dans différentes régions, on a aussi appelé ça le soccer base et le soccer baseball, qui est quand même assez classique. Soccer baseball, c'est un nom très descriptif. Est-ce qu'on y va avec une deuxième liste? Pourquoi pas les records mondiaux impressionnants? Oh oui! Certains sont des sports. En fait, la plupart sont des sports. Donc, c'est des records qui ont été établis. On recule un petit peu à 2015, mais pourquoi pas? OK. Donc, le festival des records qui est le Guinness World Records. Parlons pour commencer du plus long tunnel humain qui a été voyagé par un chien sur une planche de skateboard. Oh boy! Établi par Otto, un bulldog de 3 ans du Pérou. On fait donc 30 distances. Attends un peu. Ça dit à travers combien de jambes est-ce que Otto est passé en skateboard? Okay. Donc, on a 30 jambes. Ça veut dire 15 personnes, j'imagine. Et où est-ce qu'il a fait ça? Ben, c'est ça, il a fait ça au Pérou. Ensuite, le temps le plus rapide pour résoudre un cube Rubik. Oh mon Dieu, ça doit être vraiment pas long. Combien tu penses? Genre, attends, le plus long décimal à calculer, je pense que c'est 3,92 secondes ou quelque chose de même, je vais dire dans ces environs-là. C'est proche, c'est 4,904 secondes. As-tu? C'est un garçon de 14 ans du Maryland, Lucas Hatcher, qui a battu ce record-là. Évidemment, on parle de 2015, là, je sais pas, j'ai pas encore la liste de 2016. Donc, OK. On va attendre que 2016 finisse avant d'établir des records. Ouais, c'est ça. Quand même, ils ont quand même la compétition n'est peut-être pas passée encore. Voilà. Ensuite, le plus long, le plus haut, non. Oh le my plus God, lourd. Tu as vu les doigts? Oui. Le plus lourd. Ça veut dire quoi, ça? Heaviest sumo deadlift. Qu'est-ce que ça veut dire? Deadlift, ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'as levé quelque chose de lourd. Vraiment ouais. Donc, le plus lourd poids levé par un homme fort, mettons. Ouais. On va dire ça. Hey, c'est un Canadien? C'est un Canadien. Combien qu'il a levé, tu penses? Eh hey boy. Je sais pas, là, sérieux. 20 128 livres environ, mettons, on dit un chiffre au hasard. Ouais, ouais, au hasard. 125. 9130 kg. C'est Greg Austin Doucette, un homme fort canadien. Le plus long vélo au monde en 2015 faisait combien de longueur? Eh hey boy. Combien de pieds, de pouces ou de mètres? Je sais pas. Non? T'as pas deviné? 35,79 mètres. Ah! Ce qui fait... À quoi ça sert? C'est absolument rien. 117 pieds 5 pouces, c'est par l'organisation hollandaise de vélo Milje van Maresweerplug. Oh mon Dieu. Ensuite, ça c'est pas du sport, mais les nouveaux mariés les plus vieux du monde, si on combine leurs âges, c'est ça exactement, on combine leurs âges. OK. Ensemble, on les additionne. Eh boy, ben là. Vieux couple de nouveaux mariés, là. De nouveaux mariés. Ils n'étaient pas mariés avant. OK. En 2015. Si on calcule leurs deux âges, ça va donner quelque chose de vieux. Ouais. Comme vieux, vraiment vieux. Proche. Je dirais 160, mettons. Oh, c'est plus haut que ça. 194 ans et 280 jours. Oh my God. C'est George Kirby qui est né le 13 juin 1912 et Doreen Lucky, maintenant ça s'appelle Doreen Kirby, qui est né le 6 septembre 1923. Leur âge combiné lors du jour de leur mariage, qui était le 15 juillet 2015, est 294 années et 280 jours. Ça, c'est, hein? L'amour jusqu'à la fin des temps. Ah, voilà. Ensuite, là, on revient au sport, là. Hein, le nombre de chandelles allumées dans une bouche. C'est pas un sport connu, là. Rien de moins. Une chandelle allumée dans une bouche, combien, tu penses? OK, il les a allumées dans sa bouche. Allumées dans sa bouche. Niaiseux. On parle de gros chandelles, là, pas les petites chandelles de fête, là. OK, OK, OK. Je veux dire 5? Non, ben voyons donc. 5, c'est pas un record, ça. Ben là. Triple la mise. T'as vraiment une grosse bouche, sinon? À 15 chandelles. What? Pour un minimum de 30 secondes, c'est Dinesh Shivnath Upadhyaya. Oh ensuite, my God. Le plus gros, le plus long, Willy, sur une noix de coco. Sur une noix de coco? Sur une noix de coco. Je vais aller voir la vidéo pour en savoir plus que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire? Je pense, que c'est le nom de la... Ouais. Ouais, c'est le nom de la... La prise, mettons. La prise, ouais, c'est ça. C'est un skateboard sur le côté. Donc, il a réussi à faire rouler son skateboard sur le côté en étant dessus lui-même. OK, c'est quand même assez difficile. Fait que je vais dire une quinzaine de mètres. C'est le double. Ah ouais? 33 mètres, 108,3 pieds. C'est par Ricardo Percanguru de Sousa Amaral du Brésil. Ouais. Rien à voir avec une noix de coco, donc. Ensuite, le plus de pull-up en une minute. Pas les couches, bien sûr. Ça doit être vraiment impressionnant, là. Genre, je sais pas, comme... Ça va être trop loin, je sais. 55. Trop loin. 43. Pas vrai? Pour le peuple. C'est par Yeo Kim Yong de Singapour. Voilà. Si vous voulez aller voir la vidéo, tout ça est sur assemblagerequis.com, bien sûr. Ensuite, la plus grande compétition de rampage de bébés. Ben non, là, c'est dommage stupide, ça. Combien de bébés? Une centaine. Ah, voyons donc. Sextuple-moi ça. Pour vrai? 601 bébés sur un parcours de 10 pieds de long à Yokohama, au Japon, dans un centre d'achat. C'est clair, tu niaises. Je niaise tellement pas. C'est en 2015, le temps a changé. Ben oui. Ensuite, la vache la plus courte, la plus petite du monde. Petite en termes de grandeur, pas de longueur. OK, en termes de grandeur. En centimètres ou en pouces. Je vais dire... Elle n'est pas si petite, je trouve. Je vais dire 2 mètres de haut. 2 mètres, ça voudrait dire 2000 centimètres. Attends un peu, 2 mètres? Une vache, là, Tania, on veut battre le record de la plus petite vache. Ah, deux plus mètres. Petite, t'as raison, OK. Hey! Excuse-moi. 2 mètres. Je vais dire... plus petit. Mais c'est parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de système métrique. Hein? Vas-y en pouce. Même en pouce, là, oublie. Crime, t'as jamais calculé des grandeurs. J'ai jamais calculé des grandeurs de vache. Wow. Dis-moi combien elle pesait, j'ai pas les informations par contre. La plus petite vache devait peser genre 25 livres. Je vais te répondre, j'ai pas ça comme réponse. J'ai 61,1 cm ou 24,07 pouces. C'est la vache s'appelle Mani Kiam. Elle vient de Kerala en Inde. Oh my god. Fascinant. Penses-tu qu'elle fait du lait? Je sais pas, bonne question. Ensuite, la plus longue distance couverte par un robot quadrupède. Hey, un robot boy. À quatre pattes qui a réussi à faire une distance en longueur. Tu peux me le donner en mille ou en kilomètres. OK. Je vais dire... une cinquantaine de kilomètres. Non, il va falloir que tu presque triples, mais pas... Pas vrai? C'est 134,03 km ou encore 83,28 miles. Il a couru pendant 54 heures de suite et 34 minutes. Le robot s'appelle Xingji numéro 1, créé par une équipe du College of Automation à Chongqing University. Ah, oh, ouais. Okay. Ensuite, le plus long voyage dans Minecraft, le jeu vidéo. Un voyage dans Minecraft, donc quelqu'un qui a... Il a marché dans Minecraft, donc tu sais, le jeu vidéo en bloc. Ouais. Marcher, c'est-à-dire tenir un bouton pour avancer okay. Pendant la plus longue distance. Sans lâcher le bouton. Tu dois me dire soit en kilomètres, en miles ou en bloc si tu connais assez Minecraft. OK, non, je connais pas assez Minecraft pour ça. J'ai arrêté en heure, mettons, mais ouais, je vais dire, attends, en termes de kilomètres, je vais dire 5 kilomètres. 5 kilomètres? 500, tuplifie-moi ça. Mais là, 5 km, là, à garder ton pouce. 2097,15 km. What? Il y a des gens qui ont du temps à perdre. 2097,15 km ou 1303,1 miles. C'est Kurt J. Mack. Et son voyage continue, en fait. C'est 16,78% du chemin parcouru jusqu'au bout de la carte du jeu Minecraft. Ça pourrait lui prendre 20 ans, selon les calculs, pour se rendre au bout de la carte. C'est un record, selon Guinness. Je le rappelle. Ensuite, le stationnement en parallèle le plus serré, mais fait à l'envers. Donc, reverse parallel ouais. Park. Tu dois me dire le nombre de centimètres entre sa Mini Cooper et les voitures stationnées devant et derrière lui. Oh, ça doit être genre 1 centimètre de chaque côté. J'aurais aimé ça, ça avait été ça. Ça aurait été plus impressionnant que 34 cm combinés. Hein? C'est plate un peu. C'est ouais. Un cascadeur... Platounet, ça ne m'impressionne pas. Ben, moi, je trouve ça plate un peu. Donc, c'est le cascadeur Alastair Moffat. Déjà, il y a un nom de romancier célèbre, Alastair Moffat. Alors, ça ressemble à un nom dans Harry Potter. C'est pas Alastair Mogrin. Alastair Mogrin. Donc, il a commencé à reculons. Il a performé un J-turn. C'est pas un U-turn, mais c'est comme un virage en J. Très dramatique. Ensuite, il a fait tirer sur son bric-à-bras avant de glisser dans un endroit très serré, laissant seulement 34 cm combinés derrière et devant lui. Évidemment, là, on n'a pas dit combien il est devant, combien derrière. C'est sûrement pas équilibré à 17-17. Non, ça doit pas. Donc, c'est ça. Ça fait 34 cm. Je trouve que c'est pas mal. Ouais, quand même. Bon. Ensuite, toujours dans le palmarès des records du monde, surtout en sport, les plus impressionnants, on recule en 2015 parce que l'année 2016 n'est pas encore terminée, bien sûr. Donc, allons-y avec le sprint 100 mètres le plus rapide à 4 pattes. Un sport... Oui, je le sais. Il court à 4 pattes. Hein? Donc, tu dois me dire le nombre de mètres et en combien de temps, tu sais, je crois pas. OK, mais si on se fie, mettons, à une course habituelle, c'est soit... C'est quoi, c'est 100 mètres, 150 mètres? En fait, j'ai déjà dit que c'était 100 mètres. Ok, j'ai déjà dit que c'était 100 mètres. Les secondes. Ok, les, minutes. Les secondes ou les minutes. Moi, j'irai en minutes, mais je vais dire, mettons, 45 secondes. Ah, il y a 4 pattes, c'est pas difficile. C'est vraiment plus rapide que ça, le tiers de ça. Je sais. C'est 100 mètres en 15,71 secondes. Oui, Kenichi Ito du Japon qui a repris le record après qu'il a été cassé en 2014. Ben non. Je te jure, 15,71 secondes pour 100 mètres à 4 pattes. À 4 pattes? Ouais. Et pour terminer, le plus de slam dunk en une minute, je te donne un indice que c'est Zeus McClurkin des Harlem Globetrotters qui Ouais, j'en doute pas. Le nombre de fois, c'est ça, en une minute. Le nombre de fois en une minute. Mais sans cascade, là, sans flip-flop, là. Ben, je te dirais, il est pas sur... Il est pas sur une trampoline ou rien. Okay. Donc, c'est vraiment, en tant que tel, il court, il va au panier, il fait un... Il revient, il fait... un point. Ouais. Puis il revient, puis il en fait un autre. C'est vraiment à la course. Okay. C'est que du talent naturel, inné ou appris. Et pendant combien de temps, tu me dis? Une minute, pendant hein? Une minute. Pendant une minute. Les slam dunk qui a réussi, là. On s'entend que le gars, il est grand, fait qu'il peut juste déposer le panier, le ballon en panier. Je vais dire un par seconde, fait que 60. Oh boy, ça aurait été quand même... ça aurait été popé. Ça aurait été popé par ça. Ouais. Mais non, il a seulement réussi à en faire 15. OK, mais c'est déjà bon. C'est déjà très bon, mais tu le vois dans la vidéo qu'il les a pas mal tous, là. Il les a pas mal tous, ah, mais il en manque une couple de fois. Fait que ça, OK, il y a quelqu'un qui redonne le ballon au moins. Oui, au moins, absolument. Donc, Zeus McClurkin des Harlem Globetrotters a réussi à le faire 15 fois. C'était un de 7 records mondiaux par les Globetrotters en 2015. Les autres étaient... là, je connais pas les termes de basketball comme la plupart des termes de sport, donc tu m'aideras s'il y a de quoi. Mm-hmm. Mais farthest kneeling shot made blindfolded. Donc, le plus loin tire à genoux. Ouais. Kneeling fait alors que t'as les yeux bandés. Exact. Bon. Longest shot made backwards. Donc, le plus long tire fait de dos. Oui. Most three-pointers made in 1 minute by a pair of players. Donc, le plus de points, de 3 points, des tirs à 3 points, fait en 1 minute par une paire de joueurs. Oui. Et longest ever underhand shot. Ça, j'ai aucune idée ce que c'est, mais c'est le plus long tir quand tu lances de par en bas, je ouais, pense. Ouais, c'est ça. C'est... Underhand, c'est quand tu fais par en haut. Mais t'es comme en dessous. T'es en dessous du panier. Tu... Ouais. OK. Longest duration spinning a basketball on the nose. Donc, la plus longue durée où tu fais tourner un ballon de basket sur ton nez. Mm-hmm. Et farthest blindfolded hook shot. Donc, un hook shot, un tir crochet. Ouais. Vous fait le plus loin. Les yeux bordés. Ouais. Donc sur le côté, c'est ça? Crochet, c'est sur le côté, ouais. Tu l'envoies comme vers le panier qui est à ta gauche, mettons, c'est un petit peu. Wow! Quand même impressionnant. Les Harlem Globetrotters, je sais pas s'ils se sont donné le mot pour faire un nombre de records de records pendant 2015. Ça devrait, pour ceux qui ont été créés. Absolument. Voilà, c'est tout pour ce blog de Son Foutu Palmarès. J'espère qu'on a quand même eu un petit peu de plaisir, qu'on a appris quelques petites affaires. Mais oui! Je pense, surtout dans les noms de sport au début, qui m'a quand même intéressé pas mal. Les records du monde, je pense qu'on pourrait pas mal établir n'importe quel record puis finir dans le record Guinness. À peu près. Quand tu regardes ça, là. Mais bon. Donc, les liens sont sur assemblagerequis.com, émission numéro 996. Voilà. Au retour de la pause, Tania Gigonet-Jutenia et Sport et Filoché. Oh my God! Les deux ensemble, dans la même demi-heure environ. Donc, c'est au retour à Assemblage Requis. Oui! Assemblage requis, on est mardi 27 septembre 2016. Elle s'appelle Tania Baudin. Et lui s'appelle Mathieu Plante. Oh, merci. Là, on a deux chroniques à faire de ta part. On les met dans la même demi-heure pour essayer de faire une concentration de Tania Baudin. Oh my God. Tellement apprécié qu'il faudrait pas que les fans te perdent dans la brume. Ça va pas pire du côté de l'extérieur, par exemple. La brume. Oui, il fait encore pas mal noir pour 8h06. Oui, oui, c'est vrai. C'est quand vrai. Même. On n'est pas habitué à ça. On va s'en remettre. Quoi, on change d'heure dans les prochaines semaines, de toute façon. D'habitude, c'est avant Halloween, il me semble. Oui, je pense que c'est le 5-6 octobre. Quand même. Ça s'en vient dans pas trop long. Mais c'est pas de ça qu'on parle. On parlera pas de calendrier ou de date. En fait, oui, on va parler de calendrier de date. On va parler au passé, au présent et au futur en termes de sport dans la chronique Sport et Filoché. Ouais, c'était pas mal, v'là 10 secondes. T'as m'a reculé un peu dans la même raison. Là. Pas mal là. OK. Bon, et flécher. Okay. Tu vois, c'est pas mal là que ça commence. Mais c'est ta chronique, que ça baisse pas. Ça baisse pas de son, tu comprends, ouais, dans mes oreilles. J'ai un doigt, moi. Ouais, je sais. C'est moi qui baisse son son. Toutes les intros, c'est moi qui baisse le son. Ouais, je sais. Je suis un gars de doigts partout. Oh mon partout Dieu. Partout où ça rentre. Ça, je ne veux pas savoir, Mathieu. Donc, Sport et Filoché, on parle comme toujours de sport. On parle de sport campus, locaux, rarement provinciaux. Exactement. Ça peut arriver d'autres équipes de d'autres universités, trucs comme ça. Oui, ça dépend. Puis il y a des sports qui sont peut-être moins connus, du réseau. Alors de ce côté-là, peut-être qu'on va en faire un petit peu plus la promotion, mais bon. Genre en temps normal. Le comment ça s'appelle? L'ultimate frisbee. Le croustillant. Croustillant cloîtré. Cloîtré. Climatisation cloutier. Le climatisation cloutier. T'as raison, excuse-moi. J'ai les mots comme ça. Je sais pas comment ils appellent, ça me vient pas, climatisation cloutier. Ouais, hein, non, c'est... bon. Pire nom d'équipe ever! Excuse-moi. D'une méchanceté, Mathieu. Futur partenaire, peut-être, c'est fou, on sait pas. Mais sachez-le que c'est pas mal le pire nom d'entreprise pour un nom d'équipe de hockey. En tout cas, avant, ils s'appelaient les Barons du Cap, fait que... C'est mieux. Pour dire la batte. On va commencer par le sport universitaire parce qu'on est chez nous, hein, fait aussi bien en parler. Confortable. Exactement. Puis tout à l'heure, je le disais, il y a eu quand même plusieurs épreuves qui se sont passées pendant la semaine quand on n'en parlait pas nécessairement dans l'émission, c'est-à-dire après mardi, parce que bien souvent, la chronique Sport et Fléché va être le mardi. Quand il y aura assez de sport, plein de nouvelles, on en fera peut-être deux fois par semaine. Exactement, parce que pour plusieurs, on est en game préparatoire, en match préparatoire. On n'a pas totalement commencé la saison. Alors, de ce côté-là, le calendrier est plein, mais pas trop plein. Ouais. on essaye de se gager un petit peu là-dessus. Là. On va y aller d'abord par le cross-country. Une excellente performance des formations féminines et masculines de l'UQTR. Donc, ça se tenait du côté de l'Université de Sherbrooke, du côté du Vert et Or. C'était la deuxième compétition du réseau universitaire la semaine dernière. Et du côté féminin, bien, c'est une cinquième position qu'on a eue à seulement 6 points de l'Université de Montréal. Et malgré le fait qu'on avait quand même une équipe qui était réduite. Donc, Chloé Gervais-Pépin est arrivée 6e, Charlotte Bernier 12e, et ce sont les deux qui se sont démarqués sur le plan individuel. Du côté masculin, on doit quand même noter les performances de Marc-Antoine Sénéville, qui lui est arrivé 12e, et Simon Boutillier, qui lui est arrivé 16e. Et le prochain rendez-vous, bien, ça va être ce samedi, le 1er octobre, sur les plaines d'Abraham pour l'Université Laval. Belle place quand même pour courir, ça. Quand même, hein? C'est... Chloé, nom de famille 1, nom de famille 2, là. Oui, Gervais Pépin. C'est ça. A été nommée une des patriotes de la semaine récemment. Ben oui, exactement. Je voulais pas nécessairement commencer avec ça, mais vous le saurez tout à l'heure. OK, t'as ça plus tard. Hey, je savais même pas que tu faisais ce bout-là. Ben m'excuse. Oui. Mais non, mais il n'y a pas de problème. Ah, je l'ai monté dans le zone campus hier, j'ai mis sa face. Ah, c'est pour ça. Voilà. Du côté du hockey, malheureusement, les patriotes ont échappé le match face au McGill de Redmond, par la marque de 6-2 mercredi dernier, qui était le 21 septembre. Par la suite, on se rendait du côté de McGill par après. Et là, encore une fois, on a eu une autre défaite dans le calendrier préparatoire. Donc, ça ne veut pas nécessairement super bien en match préparatoire. Par contre, ça le dit. Ce sont des matchs préparatoires. Ça compte pas vraiment. On essaie les nouveaux joueurs. On essaie des nouvelles stratégies. On essaie des nouveaux trios. Bien évidemment, on essaie les nouveaux gardiens aussi. Sébastien Auger qui a été blessé du côté d'Ottawa il y a quelques temps en camp préparatoire. Eh bien, malheureusement, on ne peut pas le voir sur la glace présentement. Donc, justement, on a ces nouveaux gardiens-là qui essaient d'être testés. Voilà, disons-le comme ça. C'est tout simplement, les matchs préparatoires, c'est vraiment le temps de mettre en place la saison que l'on va avoir. Et on espère qu'on va avoir des victoires du côté des Patriotes de l'UQTR, parce qu'on le sait, depuis des années, on est une très bonne équipe du côté du hockey. Et aussi, la grande rivalité McGill, ça arrête jamais, UQTR, ça arrête jamais du côté du hockey. Alors, de ce côté-là, c'est sûr qu'on aimerait bien évidemment avoir une petite victoire en match préparatoire. Faudrait qu'il fasse une partie à la mort. Une partie à la mort! Un seul peut rester. Rien de moins. Ça vendrait des billets, c'est clair. C'est vrai. Du côté du soccer, eh bien là, attention, attachez vos tuques, parce qu'on va en parler pendant longtemps, j'ai l'impression. Mais du côté féminin, tout d'abord, la semaine dernière, mais jeudi dernier, il y avait les Patriotes qui jouaient ici à domicile à Trois-Rivières. Du côté de l'équipe féminine, bien, les Patriotes se sont inclinés face aux Marklettes de McGill. Ce sont pas les Redmen de McGill, c'est pour pas les filles. C'est pas une sorte de gomme, c'est les Marklettes. Je sais pas, mais j'ai quand même trouvé ça très, très... anodin, là. Ben, toutes les autres équipes sportives de McGill, c'est les Redmen de McGill. Et là, t'arrives à l'équipe soccer féminine, c'est les Marklettes. Mais aurais-tu aimé ça jouer dans les Redmen? C'était une fille. Red Women, peut-être, mais... Non? Mais tu... Les Patriotes, ici, ils s'appellent les Patriotes partout, là. Ouais, le terme Patriote s'applique aux hommes et aux femmes, alors que Men s'applique seulement aux hommes. Mais ça veut dire les hommes rouges. Ouais, sont-ils des hommes? Non, mais le terme homme... Tu sais, t'aurais voulu qu'on les appelle comment, les Red Human de McGill? Oui, c'est ça, les Red Human, j'aime ça. Hey, c'est très bon, ça. Mais c'est les hommes rouges, c'était pas les Indiens dans le temps aussi? Ben, ça a l'air assez, comme ça un peu... Bon, exactement. C'est un peu comme les Redskins au football, ouais, la controverse ça. Par rapport à leur nom amérindien. Exactement. Ouais. Donc, et là, les cataractes font la même chose, ils vont sortir. D'habitude, au Québec, on est 6 ans en retard sur les controverses. Fait que dans 6 ans, ça va être un problème, les cataractes c'est avec ça, la race t'as bien raison, ça l'a fait parler, là. Ça l'a déjà fait parler. Donc, les Marklettes de McGill ont gagné par la marque de 3-1 jeudi dernier. Émilie Savard des Patriotes de l'UQTR a été la seule buteuse de l'équipe, donc quand même félicitations, on te lève notre chapeau, c'est comme le premier but de la saison. C'est hot buteuse, juste le mot buteuse. Ouais, ça fait c'est... Buffy contre les vampires. Buffy but des vampires. Ouais, vu de même. Du côté du soccer masculin, la même soirée, c'est-à-dire le jeudi, et je tiens à dire, j'étais présente, j'animais le match. Oui. On avait une température vraiment là, exécrable. Dégoûtante. Ouais. Il mouillait, il faisait froid. Par contre, je tiens à remercier tous les gens qui se sont pointés pour venir justement encourager les deux équipes, que ce soit masculine et féminine. Et les gars n'ont pas chômé. On a fait une victoire de 3-1 face au Redmen de McGill. Wow. Et cette victoire-là nous donnait le premier rang de la Ligue présentement. Donc, en début de saison quand même. En début de saison quand même, bon. Oui, mais on tient à la conserver, cette, cette première place-là. Et cette fameuse rivalité McGill-UQTR que l'on voit au hockey, bien, est en train de se transposer un petit peu du côté du soccer aussi. Alors, félicitations aux Patriotes pour la victoire qui a donné justement cette première position. Entre autres, il y avait eu un but de Noah Lapierre, Yannis Zoreille et Guy-Alain Fahey. Ça avait été un très beau match malgré la température. Et cette fin de semaine, eh bien, les deux équipes étaient encore en match du côté des Carabins, donc du côté de l'UDM. Malheureusement, défaite pour les filles du côté de Montréal face aux Carabins, donc 6-0. Mais du côté masculin, encore une fois, on a tenté à relever nos bas jusqu'aux genoux et prouver ce qu'on était capable de faire. Et ça va super bien jusqu'à présent parce qu'on a eu une victoire de 6-2 face aux Carabins de Montréal. Donc, les buteurs, encore une fois, Yannis Zoreille qui en a eu deux. Loris Lombard qui, lui aussi, en a eu deux. Le capitaine Louis-Thomas Fortier et Félix Bouchard. Donc, on a quand même une équipe qui est très, très, très forte présentement. Et si vous avez fait un petit peu le tour sur les médias sociaux et que vous êtes un petit peu à l'affût du sport et de ce qui se passe dans vos... Tu me connais bien. Oui, c'est ça, dans vos journaux locaux. Vous avez pu voir, entre autres, deux articles du côté du Nouvelliste, que ce soit de Louis-Simon Gauthier ou encore de Nicolas Ducharme. Deux articles bien différents avec les deux matchs bien différents. Donc, on parlait en premier lieu que les Patriotes étaient toujours invaincus cette saison-ci, malgré le fait qu'on est en début de saison. Donc, c'est un des articles qui a été le plus partagé, le plus partagé sur Facebook au Nouvelliste durant la dernière semaine. C'est l'article qui parlait des Patriotes soccer. Et cette semaine, eh bien, Nicolas Ducharme a écrit un article sur les Patriotes qui font encore la loi sur le réseau universitaire présentement. Donc, on leur souhaite quand même la meilleure des chances. Le prochain match local est dimanche le 2 octobre pendant qu'on va recevoir l'UQAM. Et soyez présents si jamais vous êtes du style à vouloir apprécier un bon match de soccer, que ce soit les filles, que ce soit les gars. C'est toujours excellent à voir. Et bien évidemment, bien présentement, on est premier dans la ligue. Oui. Donc, vous voulez pas manquer ça. C'est quoi le gars qui s'appelle... C'est quoi le gars qui s'appelle Zorai? Hein? Comment ça s'appelle? Yanis, ouais. Est-ce que tout le monde l'appelle Rocky Balzorai? Je penserais pas. Non, il devrait pas. Non, ouais. Ouais. Je suis pas sûre. Tout à l'heure, tu parlais des Patriotes de la semaine. Bien, les Patriotes de la semaine, bien évidemment, sont Chloé Pépin-Gervais et du côté du cross-country et Yanis Zorai du côté du soccer. OK. Oui, c'est ça. Donc, la recrue Chloé Gervais-Pépin a terminé au sixième rang samedi dernier, comme on le disait, du côté de Sherbrooke. L'étudiante au doctorat en chiropratique a parcouru les 6 km en 23 minutes et 57,6 secondes. Donc, elle a devancé 53 participantes qui étaient qualifiées du réseau universitaire. Ses efforts et son excellente gestion de course ont aidé l'équipe trifluvienne à terminer au cinquième rang de la compétition. Alors, merci beaucoup. Et du côté de Yanis Zorai, bien, on a connu une semaine quand même très, très productive du côté de l'équipe masculine de soccer. On a cumulé 3 buts et une passe en 2 rencontres. Jeudi dernier, alors que l'UQTR affrontait McGill, comme je le disais, et l'étudiant au certificat en anglais a reçu le titre de joueur le plus utile à son équipe, en plus de compter le but victorieux. Wow. Et récolter une passe. Donc, je pense qu'on est allé chercher un bon atout là, du côté du Patriote UQTR pour ce qui est de l'équipe de soccer. Mmh. Voilà. Je parlais tout à l'heure des différents sports locaux aussi du côté du Blizzard de Trois-Rivières. Malheureusement, le premier match préparatoire s'est peut-être pas passé comme on le souhaitait face à Rivière-du-Loup. On a eu une défaite de 6-3 pour le premier match et aussi une blessure de fin de match qui a laissé les 22 dernières secondes du match complètement désertes parce qu'on a tout simplement annulé le restant du match. Une blessure de Bobby Fugère qui, malheureusement, doit... quitter pour le restant de la saison. Non. C'est vraiment un bête accident. En fait, on a tout simplement mal tombé sur la glace à la suite d'un combat. Bobby Fugère, qui est un homme fort de l'équipe, c'est-à-dire qui est là pour faire brasser les choses un petit peu, se chamailler un petit peu sur la glace aussi. C'est ce qui s'est produit. Et malheureusement, il a tout simplement mal tombé, ce qui a fait en sorte qu'il s'est déplacé le fémur et le genou. Donc, malheureusement, Bobby Fugère va avoir une opération un petit peu plus tard cette semaine et il va être absent pour le restant de la saison. Mais restez à l'affût si jamais c'est un de vos joueurs préférés. Il va y avoir quelques nouvelles sur la page Facebook du Blizzard. Lui-même a donné des nouvelles à l'équipe. Donc, restez de ce côté-là si jamais vous voulez avoir plus de détails. Mais on est quand même retourné du côté du Blizzard à Jonquière en match préparatoire la même fin de semaine. Et là, de ce côté-là, on s'est remonté les manches un petit peu parce qu'on a quand même eu une victoire de 4-2 face au Marquis de Jonquière. Donc, on va pouvoir commencer à voir justement qui sont les hommes qui vont être forts pour la saison, sur qui on va pouvoir justement mettre beaucoup je veux pas dire mettre beaucoup d'espoir, ben ouais, mais hein, qui vont peut-être justement ressortir du lot. On a des nouveaux visages, bien évidemment, donc en match préparatoire, comme je le disais tout à l'heure, que ce soit du côté des Patriotes UQTR ou que ce soit de l'équipe locale de la Ligue nord-américaine. Et c'est des moments où on essaie des nouveaux joueurs, on essaie des nouveaux trios, donc on regarde comment ça se passe. Et jusqu'à présent, bien, ça a l'air à bien porter fruit. Tu parlais du hockey senior tout à l'heure, la climatisation Cloutier. Oui, des fois je l'appelle de même, mais c'est rare. Oui, mais c'est quand même son nom. Donc, hockey senior, la climatisation Cloutier l'a remporté en match préparatoire qui était samedi par la marque de 10-5 contre le Mécanarque de Donnacona. Le calendrier préparatoire est terminé et la vraie saison va commencer vendredi soir à Saint-Léonard. Mais le premier match local, sachez-le, est samedi contre Donnacona à Trois-Rivières. Donc, si on se fait au match préparatoire, on devrait avoir tout un match. Ça devrait être pas pire. Ça devrait brasser, mais ça devrait être pas pire. Ça, c'est pour la congrégation Bliantier, c'est ça? Climatisation Cloutier, oui. J'étais proche, hein? J'étais vraiment proche. Super proche, ouais. Mathieu. Voilà, ça fait le tour pour Sport et Fléché. Merci, Tania Baudin. Ça fait plaisir. Si vous voulez faire des plaintes en passant, c'est Assemblage Requis à Gmail.com. J'aurais dû dire l'adresse de... Non, c'est David Ferron à qtr.ca. Donc, on prend une petite pause musicale entre tes deux chroniques. Tout à l'heure, ce sera Tania et Scala Entertainment. Mais avant ça, on écoute une pièce de Hot Panda. C'est nouveau sur le palmarès anglophone. On l'a pas encore entendu. Et même que la feuille est même pas encore sortie. C'est tellement frais que ça a même pas encore lieu d'exister. Donc, voici Hot Panda et Bad Pop. Ouh! À son âge, Ricky! C'est fou, 89 ans, hein? je pense qu'on n'a pas terminé de l'entendre, celle-là. Hot Panda avec Bad Pop à Assemblage Requis. Tantôt, on a parlé de sport dans Sport et Filioché avec Tania et on a décidé de mettre les deux chroniques back à back les mardis. Donc voici Tania is gonna entertain ya. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania. And she's gonna entertain. Salut Tania. Ton petit marathon du mardi de deux chroniques, une après l'autre. Ah, c'est malade. Là, on change de sujet, on parle pas de sport. Hein? Non. Du tout. On sépare, il y a une ligne tracée entre les deux chroniques, sport et filoché, et Tania is gonna entertain. C'est vrai. Ouais. Tout à l'heure, je le disais, tu le dis aussi, toi, c'était soirée d'improvisation, mais pour moi, ça a été soirée de premier débat électoral. Chanceux, je l'attendais depuis littéralement un an. Genre. Je comprends pas d'abord pourquoi tu l'as pas écouté. Parce que j'étais... En fait, l'ironie là-dedans, c'est que je voulais vraiment beaucoup écouter le débat entre Trump et Clinton. Oui. J'étais à la chasse-galerie et les barmaids, ou peu importe, ont décidé de mettre NBC... Okay. À l'arrière, donc c'était le débat qui jouait pendant l'impro. Fait que j'avais ça, puis je voyais les faces de Trump, puis je voulais tellement voir qu'est-ce qu'il avait dit comme absurdité. Oh mon Dieu, mais déjà en partant, les faces de Trump étaient hilarantes hier soir. Ça fait des gifs animés de la mort. Je sais, j'ai fait des snaps avec ça, là, ça avait aucun bon sens. Si vous êtes abonné à mon Snapchat, là, vous en avez eu pour votre argent. Disons que clairement, il va perdre, mais tout ce qu'il y a eu comme face, ça va faire des gifs animés pour les décennies à venir. Il va laisser quelque chose derrière lui quand même. T'sais. C'est vrai, tout à fait. Ouais. Puis, il n'y a pas nécessairement juste des Américains qui ont écouté le fameux débat. Mm-hmm. Non, parce qu'on le sait, ça allait être un des débats les plus écoutés. J'ai malheureusement pas trouvé le chiffre exact. C'est pas encore sorti d'après non, moi, ça va être plus tard aujourd'hui. Exactement, mais on s'attendait quand même à plusieurs millions. On estimait 100 millions, mais en même temps, qu'est-ce que ça veut dire dans la 100 millions, 100 000? On est-tu... 100 millions? Ouais, 100 millions? Oui. Ouais. Ouais, parce que d'habitude, une émission à grande cote d'écoute, c'est genre... Ouais, c'est 5 dans les... Ouais, c'est 7. Ouais, c'est vrai, t'as bien raison. Donc, de ce côté-là, bien, sachez-le, c'est le deuxième plus... non, faux. C'est le premier débat le plus écouté après celui de 1980. Wow! Ouais, celui de 1980 qui était avec John Regan et... Oh mon Dieu, je me souviens plus de son nom. Ouais. C'est pas grave, mais pendant ce temps-là, je confirme que c'est bien 100 millions qu'on estimait. Qu'on estimait, oui. J'avais le chiffre tout à l'heure parce que j'avais mon article de sortie. J'étais vraiment très bien préparée et là, tu vois, je l'ai plus. Mais tout ça pour dire que... Tu cherches l'autre candidat en 1980. Oui, l'autre candidat en 1980, c'était John Regan et... C'est Ronald Reagan, probablement. Oui. Et Jimmy Carter. Jimmy Carter, voilà. Donc, eux avaient une cote d'écoute de 80,2 millions, si je me souviens bien. Nous, hier, on parlait... Ils pensaient qu'il allait y avoir plus de gens qui allaient écouter le débat électoral que de gens qui ont écouté le Super Bowl. En tant que tel, ça, je crois, j'ose croire que ça touche un petit peu plus de gens. La politique américaine et les armes nucléaires qu'un ballon. Ah, je l'ai retrouvé, tu vois. Exactement, 80,2 millions qui avaient écouté le débat en 1980. Déjà en 1980, c'est un gros chiffre. Oui. C'est pas nécessairement tout le monde qui a une télévision. Là, aujourd'hui, on s'attendait à vraiment plus. Et là, ça tombe là, le premier en haut de celui qui a été le plus écouté. On va voir, c'est pas encore sorti, mais d'ici la fin de la journée, on devrait être au courant. Non, c'est vrai. Puis comme vous le savez, bien, probablement tous les médias aujourd'hui parlent de ce fameux débat, comme tout le monde en parlait aussi hier, tout le monde en faisait la couverture. Mais je vais pas nécessairement vous parler de ce qui a été dit dans le débat hier, mais plutôt ce qui s'est dit sur les médias sociaux, ce qui s'est dit sur les médias en même temps. Et c'est un petit peu ça qui est drôle, en fait. Bien évidemment, tout le monde a ri des faces de Donald Trump. Tout le monde a fait des gifs avec les rires d'Hillary Clinton. Oui. Parce que des fois, ça fait peur. On va se l'avouer. Ah, franchement. Ben là. C'est sexiste et misogyne. Non, aucunement. Aucunement. Tout est sexiste et misogyne en 2016, Tania, tu sais pas ça? Ouais, c'est vrai. Ouais. Faut faire attention. Mais de ce côté-là, on avait aussi beaucoup de Canadiens qui écoutaient ce fameux débat-là parce que je pense que ça fait quand même un petit peu peur à savoir qui va devenir président de notre côté des lignes. Mm-hmm. Alors, il y avait vraiment beaucoup de Canadiens qui écoutaient et entre autres, il y a un des médias qui est le Maclean's Magazine. Je sais pas si toi, c'est tu canadien, connais... magazine financier un peu. Exactement, magazine financier totalement canadien. Qui faisait un live sur Facebook en même temps du débat. Et ce que j'ai trouvé très, très intéressant, c'est qu'on a décidé avec ça d'y aller avec la vérification des faits de ce qui était dit dans le débat. Oui, ça, j'aime ça quand c'est en temps réel. Oui, c'est ouais. ça, en temps réel. Vérification des faits de ce qui était dit, mais aussi, on a décidé de faire ça un petit peu humoristique, hein, rien de mieux. On a décidé de dire, à chaque fois que quelqu'un mentait par rapport à un fait, on allait lui mettre un Skittle dans sa bulle. Donc, Hillary oui. Clinton avait des Skittles bleus et Donald Trump avait des Skittles rouges. Est-ce que tu te rappelles d'où ça vient, cette idée-là? Récemment, il avait sorti sur Facebook. Non, pas sur Facebook. En tout cas, c'était une publicité sur les médias sociaux. Mm-hmm. C'était Donald Trump et sa campagne qui avait dit « Bon, si j'ai un bol de Skittles et qu'il y en a trois là-dedans que si t'es mangé, tu es, mm-hmm. est-ce que tu prendrais une poignée? » Par rapport aux réfugiés ouais. syriens, oui, tu comprends? Exactement. T'sais? Donc, évidemment, 3% pour eux autres des réfugiés syriens seraient des violents terroristes, tu sais? Tout à fait. Fait que ça a fait la controverse là-dessus. Mais de ce côté-là, ce qui est très, très, très, très, très, très, très drôle, c'est que la petite bulle de Donald Trump, à la fin, était pleine! Versus celle d'Hillary Clinton, où il y en avait juste deux. Parce qu'il faut le dire, elle ment quand même un petit peu. Il oui. y a des imprécisions dans ce qui est dit. Mais il faut dire aussi que les mensonges ou ce qui était démystifié était vraiment par rapport aux faits, par rapport oui. à ce qui est vraiment arrivé. Avec des sources, des preuves. Oui, c'est ça. Ce qui était vraiment intéressant à regarder, c'est justement le live Facebook de McLean's Magazine qui expliquait par la suite quel était le vrai fait. Donc, on expliquait quel était le mensonge, parce que oui, bien évidemment, OK, on donnait des Skittles d'une couleur si jamais quelqu'un mentait, mais on laissait pas ça là. On expliquait quel était le mensonge, sous quelle forme il avait été dit dans le débat, et par la suite, on écrivait quelle était la vérité par rapport aux faits. Ce qui est quand même très, très le fun, parce que pour ceux qui connaissaient pas nécessairement tout ce qui avait été dit avant ce fameux débat-là, mais c'est quand même facile de pouvoir suivre par la suite. Si on se fie aux chiffres, il y a eu 22 mensonges de la part de Donald Trump contre 4 de la part d'Hillary Clinton. En une heure et demie en tout le débat. Hein? Oui, 90. C'est pas un long débat en plus. C'est vrai que ça n'a pas été un très très long débat. Et on a ce matin appelé Donald Trump Monsieur Wrong parce que tout ce que Hillary Clinton disait, il disait wrong, wrong. Wrong. Ouais. I did not say that. Puis wrong, tout était la faute wrong. De Clinton apparemment aussi. Oui, oui, ben la oui. Il y a eu plusieurs jeux d'alcool qui se sont faits sur Facebook hier. Entre autres, mon Facebook était plein de mes amis qui écoutaient ça à Montréal ouais. et qui disaient à chaque fois que Donald Trump va dire que c'est de la faute d'Hillary, vous devez prendre un shooter. C'est quel média qui a dit que ça pouvait causer des problèmes de santé si vous, c'est clair, si c'est vous faites clair. Ce jeu-là? Si quelqu'un faisait un jeu d'alcool hier ou qui buvait à chaque fois que Donald Trump finissait pas une phrase, ah oui. vous avez probablement fini votre bouteille de vin en genre 3 minutes J'ai et demie. J'ai hâte d'écouter ça, pour vrai. C'était assez incroyable. Puis ce matin, entre autres, on a des gens qui ont fait des articles sur plusieurs médias différents qui expliquent pourquoi est-ce que Donald Trump terminait pas ses phrases ou pourquoi est-ce que pour certains, ça les rejoint tandis que pour d'autres, ça, c'est juste incohérent comme la plupart ouais. des gens disaient, ben voyons, on déjà sain d'esprit, oui. On comprend pas ce qu'il dit. C'était tout simplement ça. Personne comprenait ce qu'il disait. Mais c'est parce qu'il s'est pas pratiqué, premièrement. Tu sais, Hillary Clinton s'est pratiqué avec un faux débat, avec un faux oui. Donald Trump Elle à était... timer ses réponses. Exactement. Puis là, Donald Trump l'a blâmé parce qu'il était trop préparé. Elle a dit, excuse-moi, mais c'est une bonne chose d'être préparé. Mais oui. Puis ce que j'ai trouvé quand même assez drôle, c'est qu'à un moment donné, Hillary Clinton a dit que Donald Trump l'avait critiqué justement parce qu'elle était préparée, mais elle s'était surtout préparée à devenir présidente oui, des ça. États-Unis comparée à lui. Alors que lui fait juste vendre des produits qui font faillite après, des commerces qui font faillite. Mais oui, exactement, puis c'est pas totalement faux. Et ce qui est quand même assez drôle aussi, c'est qu'il y a plusieurs personnes du côté justement canadien qui expliquaient pourquoi est-ce que le débat canadien allait être le débat américain était si important pour les Canadiens. Donc, si jamais ça vous intéresse, il y a beaucoup de vidéos sur ça, sur Internet. Et si vous voulez savoir aussi un petit fait comme ça, là, en 26 minutes de débat, là, on parle pas du débat en entier, là, ouais. les 26 premières minutes, Trump a interrompu Hillary Clinton 25 fois. Ouais. Contre 15, dans les premières 26 minutes. Mais si vous allez du côté du débat au grand complet, en 90 minutes, il l'a interrompu 51 fois. Aïe! Contre Hillary Clinton, 17 fois. Ouais. Puis ça compte pas le nombre de fois qu'il a interrompu le maître. Le modérateur, la Exactement, seconde, le ouais. modérateur, M. Lister. C'est Exactement. Ça aussi, là, d'après moi, c'est coté quand même assez haut. Là. Ah, mais le gars, tu sais, il a pas vraiment de respect pour ce que tu penses, toi. Il veut juste te piler dessus. Exactement. Ouais. Puis ce matin aussi, il y a des experts du langage, du langage corporel, du langage verbal, qui sont donnés comme mandat d'expliquer pourquoi Donald Trump parlait si bizarrement. Okay. Donc, si ça vous intéresse, là aussi, il y a des vidéos. Faites le tour, entre autres, Vox.com. C'est donné à cœur joie sur les vidéos hier soir pour expliquer ce qui se passait avec Donald Trump et Hillary Clinton. Je sais que pour certains, ça va être de choisir qui est le moins pire des deux. En fait, vous, en tant que tel, ça va être de juste pas voter parce que vous êtes pas américain. Exactement. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais nous, on va avoir quand même des répercussions. Oui. Et ça aussi, ça a fait beaucoup de débats hier sur Internet parce que plusieurs disaient « OK, mais c'est pas à nous de choisir qui va être élu aux États-Unis. » C'est leur problème si c'est Trump, pour vrai. C'est leur problème si c'est Trump, mais on va quand même avoir des répercussions si c'est Trump. Même chose si c'est Hillary Clinton. Mais bon, tout ça pour dire que c'était quand même très, très intéressant à voir aller sur les médias sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, en même temps que de regarder tout ça à la télévision. Je tiens à dire que j'ai regardé exactement 10 secondes du débat qui était voice-over en français. Ah, wesh, non, c'était à RDI. Oh. Impossible à regarder. Ridicule, impossible à regarder. Forcez-vous ça pour vrai. Tant qu'elle diffusait, diffusez-le. C'est bien plus façon. Drôle aussi d'avoir les réactions vraies de Donald Trump en anglais. As-tu vu ce que Donald Trump a dit? Ben, ses représentants ou gérants, porte-parole, peu importe, à la fin de la soirée, ont dit que NBC lui avait fourni un mauvais micro à Donald Trump. C'est pour ça qu'il y avait de la misère au début. N'importe quoi. C'est jamais sa faute. Mais non. C'est la faute de Clinton ou du micro ou d'NBC. Exactement. Le nombre de fois qu'il a dit que que tout était de la faute de Hillary Clinton. Elle l'a dit à un moment donné, hein. T'aimes ça dire que c'est de ma faute, hein? Oui, et oui. Comme, mais pourquoi pas? C'est ça qui était quand même drôle. C'est que Hillary Clinton était quand même capable de prendre ça avec une touche d'humour. On sait que peut-être monter. Qu'à l'intérieur, elle bouillait. Ouais. Mais comparé à Donald Trump, on voyait qu'elle était capable de faire la différence versus lui, hein. Puis on voyait aussi qu'elle était beaucoup plus préparée. Donc, en tout cas, moi, si j'étais américaine, voilà! Ce matin, c'est ça. Mais tu sais, pour vrai, un débat, c'est important. Prépare-toi. Il a refusé de faire un faux débat. Il a refusé de chronométrer ses réponses. C'est sûr qu'il finissait pas ses phrases. Il y avait deux minutes pour parler ou une minute. Deux minutes, puis c'était pas pratiqué. Exactement, puis par la suite, il pouvait justement avoir un échange entre eux, mais bien souvent, il était pas capable de répondre autre que « Hillary, c'est de ta faute! » Il sait rien! Exactement. C'est pas de sa faute, c'est rien! C'est ça. C'est pas de sa faute si les gens l'ont élu au primaire. Non, c'est vrai. Et au caucus. Puis, ce que j'ai trouvé quand même assez intéressant, hier, avant le débat, il y a une vidéo qui est sortie, encore une fois, sur Vox.com, qui explique que présentement, ce qui est en train de se passer aux États-Unis ou dans n'importe quel pays, c'est qu'on fait une élection comme si c'était la finale de American Idol. Tellement. C'est L'Eurovision. Pas comme une... Exactement. C'est pas comme une entrevue de job quand, en temps normal, c'est comme la plus grosse job c'est interview le poste au sommet ever. Du pays. Ah, oui. Exactement. Donc, on se demande justement si c'est pas un petit peu trop show-off présentement. Et bien évidemment, bien Donald Trump est en train de perdre sa popularité face à ce show de télé-réalité-là. Voilà. Eh bien, c'est ma soirée de ce soir, le débat, si je m'endors pas avant. Donc, j'ai hâte de regarder ça. Merci, Tania. Ça fait plaisir. J'espère que les autres débats seront aussi intéressants. Il y en a, je crois que c'est deux autres débats présidentiels et un autre débat vice-présidentiel qui s'en vient. Exactement. Sûrement un petit peu moins regardé, mais quand même. Si je me souviens bien, le vice-présidentiel est le 5 octobre, tandis que l'autre est le 9. C'est... octobre, oui, il y en a deux qui sont octobre, proches. Exactement. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Très proche l'un de l'autre. Merci, Tania. Ça fait plaisir. Alors, on prend une petite pause musicale avant de passer à la prochaine chronique, parce qu'on a un petit peu de lousse quand même aujourd'hui, donc on va se le permettre. Je me suis dit qu'on allait entendre une pièce qui montre un petit peu ce que Donald Trump pense lui-même de ses opinions. Oh boy! C'est de l'insouciance, donc voici Moussette. Puis insouciance, ou bien c'est la faute à Clinton. C'est pas dans la... I'm discipline. C'était la nouvelle pièce Insouciance à Assemblage Requis. Au retour de la pause, David Ferron va être avec nous pour la chronique du journal Zone Campus. On va parler du premier numéro de la saison. Ça s'en vient dans deux minutes. Assemblage Requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage Requis. Écoutez Assemblage Requis pour ce mardi 27 septembre 2016. C'est Tania Baudin. Avec Mathieu Blanc. Maintenant, pour la première fois de l'année, en fait, je me rappelle que la semaine passée, on l'a reçu pour donner un petit avant-goût du Zone Campus. On a fait jouer de la musique du monde, c'était bien le fun. Mais là, pour la première fois, on l'accueille pour parler du plus récent numéro. C'est ce qu'il va faire pendant toute l'année scolaire, espérons-le. S'il fait bien sa job. Après l'avoir et autres. C'est David Ferron qui est voici avec la chronique du journal Zone Campus. Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, un journal qui frappe. David Ferron, rédacteur en chef depuis quelques semaines, journal Zone Campus, bonjour à toi. Bonjour, vous deux, comment ça va? Ça va bien? Très bien. C'est correct. On ne se sent pas très au courant des nouvelles du campus. On a appris un petit peu sur les sports tantôt avec Tania, ce qui me fait penser que peut-être qu'on devrait pas faire la chronique du sport en même temps que la Zone Campus, mais bon, on viendra à cette formule-là une autre fois. Donc, la Zone Campus numéro 1 qui sort relativement tard, je te dirais, et c'est même ton mot de la rédaction par rapport à attendre des choses. Oui. Le numéro qui sort cette semaine, pas aujourd'hui, mais cette semaine, donc pour la fin du mois de septembre et surtout le début du mois d'octobre, c'est le volume 12, donc on célèbre notre 11e année. Ben, ouais, c'est ça, dans le fond, il y a déjà 11 ans d'écoulés. C'est ça, exact, parce que l'année passée, on célébrait le 10e anniversaire à l'automne. Wow, quand même! Donc, commençons, pour commencer avec la une, le show de la rentrée, on va en parler tantôt en art et spectacle. Mmh. Allons-y avec de l'actualité et l'auberge autogérée des étudiantes sages-femmes québécoises. Oui, exactement. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de... En fait, c'est des duplex qui sont destinés pour les étudiantes en sages-femmes, parce que souvent, les sages-femmes, souvent, il y avait comme trois logements. L'université, leur lieu de stage et leur chez-soi. Donc, en fait, l'auberge autogérée, c'est vraiment un endroit pour que les étudiantes en sage-femme se réunissent pour étudier ensemble, pour gérer également tout ce qui a rapport aux frais de transport, des trucs comme ça. Bref, c'est un milieu de vie pour les sages-femmes et ce projet-là même est en nomination pour le Gala Force à venir qui récompense à chaque année des projets étudiants. Puis, ça a été en nomination, malheureusement, le projet n'a pas gagné, mais déjà être en nomination pour Force à venir, c'est très, très prestigieux. Absolument. J'ai apprécié aussi la pancarte sur leur photo qui dit « Laissez vos pieds respirer ». Les gens laissent leurs souliers dehors dans cette maison. C'est important de respirer. Ensuite, on va parler évidemment de la GEQTR. C'est pas mal le sujet principal de la section actualité, peu importe la semaine, peu importe la session. Donc, on a deux articles là-dessus. Pour commencer, on a une rentrée sur les chapeaux de roue. C'est un entretien avec Alex Marchand, le nouveau président de la GE. Oui, exactement. C'est sûr que là, on a quand même un mois de rattrapage à faire. Oui, donc, évidemment. Il y a des choses qui se sont passées, donc notamment le show de la rentrée, mais également la GQTA veut mettre sur pied des spectacles d'humour. Également, la GQTA va être impliquée également dans le carnaval, même si c'est pas nécessairement la GQTA qui l'organise en tant que telle. Puis aussi, la Coupe des associations, ça, c'est davantage le poste de la vie associative et environnement qui s'occupe de la Coupe des associations. Il y a aussi les projets notamment les tribunes libres. Donc d'ailleurs, pour les tribunes libres, il va y avoir Hélène David ce matin à 9h30. Oh, aujourd'hui, ça? Oui, 9h30. Donc les tribunes libres, ça, c'est organisé par la GQTA également et ça, ça invite des politiciens à donner un discours. Ouais. Donc ça, on souhaite... Et s'entretenir avec les étudiants. Oui. Pas juste donner un discours et OK, bye, je m'en vais. Non, c'est ça. Les étudiants vont pouvoir poser des questions après. Il y a également des activités comme le concours d'affaires scientifiques, ma thèse en 180 secondes, qui vont revenir cette année aussi, les 5 à 7 cycles supérieurs, les activités aussi pour les premiers cycles. Donc ça, c'est toutes des activités qui reviennent également. Il y a aussi la question de réviser quelques politiques, mais ça se fait toujours à chaque année. Donc, améliorer les politiques étudiantes. Absolument. Moi, je suis quand même impressionné de voir Alex Marchand, nouveau président de la GEQTR, qui fait maintenant aussi partie de la Ligue d'improvisation. Ah, c'est ouais? un des joueurs officiels de la Ligue. Ben, c'est vrai, ça implique beaucoup. Hein? C'est fort. Il y a aussi un article sur le CA de la semaine dernière, je crois. Nouveau statut juridique pour la chasse-galerie. Est-ce qu'on en parle? Est-ce que c'est intéressant ou... Oui, en fait, la grosse affaire, je vous dirais, c'est l'élection, en fait, par intérim. En fait, d'un responsable, en fait, au poste, si je ne me trompe pas, de la vie, en fait, des premiers cycles. Donc, il y a quelqu'un à l'intérim qui s'occupe de ce poste-là parce que la personne a démissionné, puis là, il n'y a pas eu personne qui était là officiellement, donc il y a quelqu'un qui s'occupe de ça de manière intérimaire. Et il y a aussi le statut juridique de la chasse-galerie parce que la chasse-galerie, au niveau des permis d'alcool, c'était sous la juridiction de la GQTA, mais là, maintenant, la chasse-galerie va pouvoir être indépendante par rapport aux permis d'alcool. Quand même. Donc, je tiens à dire que tous les articles de la GQTR, c'est fait par Marie Labrousse, qui a déjà commencé l'année dernière avec les élections de la GQTR. Donc, c'était une bonne idée de la mettre là. Elle vient de commencer à la fin de l'année scolaire suivante, précédente, et ça reste quand même une de nos plus anciennes employées du Zone Campus. On a eu beaucoup de remaniements de personnel dans le Zone Campus, des gens qui ont quitté, qui sont partis ailleurs. Beaucoup de journalistes que nous avons perdus. On a gardé la plupart de nos chroniqueurs, par contre. Portrait du complice au cœur des préoccupations des étudiants internationaux. Oui, exactement. Donc, le complice, en fait, c'est le comité qui regroupe les étudiants internationaux de l'UQTR, mais le complice, ce comité-là, le but, c'est d'organiser des activités pour les étudiants internationaux, mais aussi de créer des liens entre les étudiants québécois et les étudiants internationaux. Donc, le but, c'est de créer des ponts avec tout le monde. Ben, c'est super. Bonne idée. Ben oui. Maintenant, tu nous parles, toi, David Ferron, personnellement, t'es allé sur place pour voir quelque chose par rapport aux champignons. Dis-nous en plus. Oui, donc, en fait, c'est un projet multisectoriel, c'est-à-dire que c'est fait notamment avec le directeur de recherche en biologie végétale, Hugo Germain. Mais c'est aussi une collaboration avec Patrick Lupien, qui est coordonnateur de la filière mycologique de la Mauricie, et de Danny Bisson, président de Progigraph. Progigraph, c'est une firme de cartes de repérage de sol, notamment. Donc, c'est une collaboration entre les trois. Donc, le but, c'est de découvrir davantage l'ADN des champignons pour pouvoir ensuite mieux connaître le terrain où se retrouvent les champignons, savoir où est-ce qu'ils sont dans le territoire québécois, pour ensuite être capable de savoir où est-ce qu'ils sont pour pouvoir mieux les exploiter, notamment dans le milieu agro-touristique, par exemple. Ça peut passer au quiz français là, sur TV5, là, question pour un champignon. Question pour un champignon. On revient sur le Fond Party, 8e édition qui avait lieu récemment, le Party Mousse. Oui, ça, c'est un article de Caroline Filion. Donc, ça, c'est retour! Oui, c'est un comeback étincelant. Si je posais ça comme ça, je peux faire... Et quoi, 2 ans? Oui, exactement. Voyons. Donc, elle n'était pas là l'année dernière, mais elle revient cette année, puis on est bien content de de l'accueillir à nouveau. Mm-hmm. Donc, pour Caroline, en fait, le Foam Party, ça, le Foam Party, c'est un party que le département, en fait, que l'Association des étudiants en loisirs, culture, tourisme organise à chaque année, et le but, c'est qu'il y ait le plus possible de savon de vaisselle, donc ouais, les gens se trompent là-dedans. C'est comme ça qu'ils font le lavage après dans le pavillon. Ils n'ont pas droit à du savon, sauf pour après le Foam Party. Ouais, exact. Mais il n'y a pas une controverse par rapport au savon, justement, qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Ils ont changé de savon. Ben, en fait, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont changé les canons pour des raisons sécuritaires, parce que ça a l'air que les anciens brisaient tout le temps. Ah, c'était pas sécuritaire, donc ils ont pris des canons, mais qui étaient plus petits, donc ça faisait en sorte qu'il y avait moins de savon, donc il y avait des gens parmi les 800 étudiants présents qui étaient pas contents parce qu'il y avait pas assez de savon. Pauvre petite chouette, hein? Oui, puis ça a l'air que même sur Facebook, c'était assez acrimonieux, les commentaires. Ouais. Mais il fallait bien qu'ils l'essayent à un moment donné, là. Oui, mais... Il fallait qu'ils essayent ça, puis là, ils ont vu que c'était un échec, peut-être qu'ils vont faire autrement l'année prochaine, avec une autre solution. Oui, ils vont se réajuster, puis les 800 personnes vont pouvoir se savonner comme ils veulent, mais il y en a que, selon le Facebook, si je comprends bien, il fallait qu'il y en a qui savonnent la langue avant de parler sur Facebook. Oups! Oh! Si c'est haineux, évidemment, tu sais, ben, mais oui. Si t'as le droit d'être en désaccord, c'est important aussi d'être en désaccord dans la vie, d'exprimer ton point de vue, mais tant que c'est fait avec respect. Et voilà! Ensuite, on a l'éditorial pour terminer la section d'actualité. Ça s'appelle maintenant... pour commencer, on va recommencer en disant que c'est un nouvel éditorialiste. Oui. Donc, on avait, à travers les années passées, eu des courts séjours à l'éditorial. Des gens qui sont restés une session ou deux, vraiment pas très longtemps. Espérons que Samuel Pedro, oui, Beau Chemin, va durer plus longtemps que les autres. Hein? Oui, exactement. En fait, le mandat de Pedro, donc lui, ça va être quoi son mandat? C'est en fait de mixer un peu ce qui se faisait dans les autres année. C'est-à-dire que, par exemple, Sébastien Guertin parlait de l'université en tant que tel. Il y avait Lucas Sébert aussi qui parlait surtout de questions plus sociales. Donc, Samuel Pedro Beauchemin, son rôle, c'est de combiner ses préoccupations à lui, ses intérêts et tout, parce que Samuel est un boxeur qui fait de la qui fait des poèmes aussi. Ah. Donc, c'est quelqu'un qui s'intéresse autant à l'actualité qu'aux arts, qu'aux sports. Donc, c'était la personne idéale pour occuper le poste. Donc, ça risque d'être pas mal très intéressant. C'est quelqu'un qui a une plume aussi très acérée. Donc, c'est très intéressant. Et là, ce qu'il parle dans l'historial, donc, c'est quoi le but de Samuel Pedro? C'est, en fait, de combiner, en fait, ses intérêts à lui, ses préoccupations par rapport à l'actualité et d'avoir un lien avec la vie étudiante. Mmh. Donc là, ça ne paraît pas nécessairement dans le premier numéro, mais dans les autres numéros, ça va être davantage ce type-là. Un mélange hybride de tout ce qu'il faisait avant et en combinaison avec la personnalité de notre éditeur. Cool. Et son titre est vraiment cool, ça s'appelle « L'humain approximatif ». Oui, j'aime ça. Nous voilà arrivés à la fin de la section actualité. On s'en va en société avec Tania. Ben oui, il y a Gwendoline Lebeaumain qui nous vient avec l'actualité internationale. Donc en fait, elle nous parle de ce qui se passe en Proche-Orient. Oui, en fait, sur la question des réfugiés, ça c'est une question qui ne finira pas de si tôt, je pense. C'est une question qui continue à faire susciter des débats. Et Gwendoline, en fait, c'est sa position par rapport à l'accueil que les politiciens réservent aux réfugiés, comme quoi il faudrait que les politiciens réservent davantage un meilleur accueil aux réfugiés, puis qu'en leur fermant la porte, on ne règle pas le problème. Il y a Kevin Gaudreau aussi qui nous revient cette année pour sa chronique « Entre les deux pôles ». On parle de bien se connaître pour une plus grande liberté. Oui, en fait, Kevin Gaudreau, c'est notre spécialiste en psychologie humaine. Et donc, ce qu'il dit dans son article, c'est l'importance dès l'enfance de respecter l'individualité des gens. Donc, comme quoi, plus qu'on respecte la personnalité que tu as, plus que tu vas être heureuse dans la vie. C'est bien. Ben oui. Il y a Anthony Morin et Marie-Ange Perrault qui sont là. Ils sont là aussi en ongles les lundis matins pour nous parler de sexe. Ouais. Mais même chose dans le Zone Campus. Donc, on parle d'une petite vite. On parle de fantasmes. C'est le titre. On parle de fantasmes, le pouvoir de l'imagination cette semaine dans le Zone Campus. Oui, exactement. Comme quoi l'imagination peut être un érotisant très, très puissant. Donc, l'usage de l'imagination... Qu'est-ce que ça fait au niveau des fantasmes, au niveau même de la sexualité entre partenaires aussi. Donc, ce pouvoir de l'imagination. Donc, il y en a qui parlent de pouvoir du corps, mais le pouvoir de l'imagination peut être encore plus fort. Oh oui, tout à fait. Et Jean-François Veilleux qui lui aussi nous revient avec sa chronique « Je me souviens au pouvoir citoyen ». Donc, on parle du Parti québécois et de la chasse pour le prochain dirigeant. C'est bien ça? Oui, en fait, juste avant... Mais avant de mais parler... Avant. Ouais. Mais avant. Fallait que je les dise. David Perron et son « mais avant ». Il ne l'avait pas encore fait. Non. Et non. Avant de revenir à Jean-François, je l'ai parlé en fait d'un projet piloté notamment par Anthony et Marianne, justement, de la chronique sexualité. Oui, t'as raison, c'est ce soir. Oui, c'est vrai. Mardi. Oui. Le 27 septembre. Oui, exactement. Donc, c'est le projet, ça s'appelle Show Me Your Burlesque, qui va combiner théâtre, pole dancing. Le pole dancing, je tiens à le dire, c'est vraiment montré comme un sport, parce que c'est du sport, le pole dancing. Mm-hmm. Pour vrai, oui, il y a quelque chose de très sensuel là-dedans, mais il y a quelque chose d'athlétique. Faut être bon. Faut pour du moi. Muscle, ouais. Non, ah, pour vrai. Faut être en forme. Oui. Puis c'est dur, donc il va y avoir aussi un peu de théâtre. Du moins, je me trompe pas, je connais pas trop le contenu exact, mais ça risque d'être très, très, très intéressant. C'est ce soir. En fait, au 10-12 à partir de 19h. Dans un 10-12 presque rénové. Ben oui, d'ailleurs, c'est là que madame... Tout à fait fini. C'est là que madame David va être à matin. Ah, OK, ils font beaucoup de choses dans une salle pas encore complètement terminée. Oui, ça va être intéressant. Ouais. Donc, pour revenir à Jean-François, en fait, ce qui est bien avec Jean-François, c'est qu'il va présenter les quatre candidats à la chefferie au PQ. Donc, ce qui est bien, c'est que tous les médias présentent, par exemple, tout ce qui se passe au niveau controverse, je peux dire ça, le PQ, tandis que là, Jean-François va dire, chaque candidat a cette personnalité-là, présente telle chose, donc c'est très bien pour mieux connaître les candidats, donc lisez l'article de Jean-François pour ça. Absolument, voilà pour la société. Maintenant, ça va en art et spectacle. Avec le show de la rentrée, bien sûr, là, ça commence à être un petit peu loin, là, c'était au début du mois de septembre, mais comme c'est notre premier numéro, c'est quand même une grosse nouvelle pour en faire la une des arts et spectacles. Donc, le show de la rentrée, 5000 personnes en liesse. Oui, exactement, parce que ça a été une très, très belle soirée, inoubliable. Si vous n'avez pas été au show de la rentrée, c'est quelque chose qui va vous manquer dans votre vie. C'est vrai. T'as été aussi, Tania? Non, j'y ai pas été. Je n'étais pas disponible pour y aller, je le regrette un peu. Regrette. J'espère que ça va te ronger le sang toute ta vie, Tania. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Ben non, c'est pas vrai, mais c'était fait... En fait, c'était en première partie. C'était Franklin Electric. C'était la première partie de Half Moon One. Et vraiment, c'était très professionnel niveau, en fait, parce qu'on pouvait voir l'écran à côté de la scène. Donc ça, c'était filmé de manière très professionnelle aussi par JD Productions. Donc on voyait aussi l'éclairage et tout ça. C'était très... C'était du show professionnel, là. C'était du gros calibre et on espère qu'un DVD va sortir un jour. Peut-être, on aimerait ça pour vrai. C'est très talentueux. En fait, les groupes étaient très bons. En fait, c'est ça. Ouais. C'était bien. Et plus récent, un petit peu, Claude Bégin était au Satire le 15 septembre dernier. Oui, ça, c'est un article de notre chroniqueuse culturelle qui revient cette année, donc Alicia Lemieux. Donc, il nous parle de Claude Bégin, qui fait partie de la Claire Ensemble, mais qui a une très belle carrière solo. Et ce qui est à souligner, c'est le professionnalisme de Claude Bégin, parce qu'il n'est pas juste un producteur talentueux et un beau garçon, mais aussi quelqu'un qui est à l'aise sur scène. Par exemple, tout à l'heure qu'il y a eu des problèmes mécaniques, mais que Claude Bégin a fait ça comme un pro. Ouais. Maintenant, on doit parler un petit peu de nous, hein, parce que le prochain article est au sujet d'assemblage requis. Ben oui, parlez de vous, là. Parlez de nous. Ben oui, parlez de vous, là. Nous sommes de retour pour une autre deuxième année ensemble. Apparemment. C'est ce qu'ils disent. Donc, on a parlé pendant quoi? Une heure et demie avec Étienne Corpeau, disons le campus. Il en a retenu trois phrases pour l'article. Si c'est pas plus. C'est ça. Et puis, ouais, on a parlé de vraiment plein de choses. On a parlé de Julie Snyder, on a parlé quoi, d'avortement, on a parlé de plein d'affaires. On a parlé, ouais, vraiment beaucoup d'affaires. Ça arrêtait pas, mais bon. Donc, vous avez donné beaucoup, beaucoup de fil à retordre à Étienne Campeau, qui est le journaliste qui s'occupe de parler de vous. Souffre douleur, hein, parce que pour vrai, c'était son premier article, sa première entrevue à vie. C'est vrai. Et puis, j'espère qu'on ne l'a pas trop traumatisé. Étienne, on s'excuse si tu nous écoutes. Ah, non, je pense qu'il y a eu du fun. Là, c'était belle fun. Et, l'article parle de la session, parle des chroniqueurs, parle de tout ce qui s'en vient pour l'année à venir à Assemblage requis. Donc, on est tous les jours, tu l'as dit au jeudi, entre 6h30 et 9h30. Ensuite, Alicia Lemieux, tu l'as mentionné. C'est un retour, en fait, pour elle aussi. Oui, ben oui. Une ancienne, disons le campus, qui avait pris un congé, qui est de retour. En fait, non, elle était là l'année passée aussi, je crois, si je me trompe pas. Il y a eu une pause entre les deux. Ah, OK, oui. Une pause de peut-être une session, je crois. Okay, elle était là à l'automne, il me semble. OK. Bref, peu importe, c'était la première édition de l'événement Etsy fait au Québec Trois-Rivières. Oui, ça, c'est... Etsy fait, en fait, c'est un projet d'artisanat. En fait, les gens qui font des projets artistiques, en fait, homemade, je peux vous dire l'expression. Sur le site Etsy.com, oui. Sur le site de vente d'objets, comme ouais. Ça. C'est comme un eBay, mais avec des objets artisanaux. Pas mal ça. Donc, il y a une première édition qui a eu lieu à Trois-Rivières. Donc, tous les artisans locaux de Trois-Rivières et des alentours se sont réunis pour présenter leurs produits. Et on a même deux étudiantes de l'UQTR qui ont présenté leurs produits. Et c'est un article d'Alicia Lemieux par rapport à ce projet-là. Et là, ça a été très populaire. Ça a l'air que ça a été plus populaire qu'on le pensait. Donc, c'est sûr qu'il risque d'avoir une deuxième édition l'an prochain. Aha. Toujours en arrière spectacle, on a Marie-Christine Perra qui est de retour. Elle commence à se faire à faire sa place pas mal dans les médias trifluviens, disons. Oui. Donc elle nous parle entre autres d'une pièce de théâtre, Sa Majesté les Mouches. Oui, exactement. Ça, c'est une pièce de théâtre qui est sur scène par le théâtre des gens de la place. Vraiment, les comédiens, ça a l'air qu'ils étaient super, en fait. La pièce de théâtre, c'est des enfants qui sont échoués ensemble et qui doivent survivre, et ça a l'air que toutes les personnalités de ces enfants-là vont être relevées, et c'est la loi de la jungle. Yep. En musique, Sean Phillips était au Nord-Ouest Café le 14 septembre. Oui, ça, c'est un vétéran qui a collaboré notamment avec des gens qu'on connaît pas pantoute, comme les Beatles, Johnny Mitchell Eric Clapton. OK. Les Nobody, comme on l'appelle. Ouais. Pour ça, au-delà de Katy Perry puis Marimé. Exactement. Donc, mais blague à part, c'est un. En fait, il était au Nord-Ouest Café et ça a l'air que c'est tout un guitariste. On va l'entendre peut-être plus tard. Ah, on verra. Spoiler. Il nous reste seulement une chronique en arrêt spectacle. L'année passée, on avait, je crois, quatre chroniques. Là, on a réduit le nombre de chroniqueurs. La plupart nous ont quittés. On les a juste pas remplacés pour réduire le nombre de pages du journal. Mais donc, on a une chronique en arrêt spectacle et c'est une nouvelle chroniqueuse qui va être aussi, je l'annonce en primeur, chroniqueuse à Assemblage requis à partir de lundi prochain. Donc, Alassania Kouyi qui est là pour une chronique sur la culture du monde. Oui, voilà. La vie culturelle du monde. Et là, ce qu'elle fait pour la première fois, en fait, pour sa première chronique, c'est concernant le concours du World Press Photo. Ça, c'est un concours qui permet d'élire la meilleure photo au monde. Mm-hmm. Et il y a plusieurs classiques qui ont été là, notamment la jeune fille qui essayait d'éviter un bombardement durant la guerre du Vietnam, notamment. Toute nue en noir et blanc, là, on la connaît tous. Oui, puis qu'il y a eu une dernière, qu'il y a eu une récente controverse là-dessus sur Facebook. Ouais. Est-ce que tu penses que la photo du petit garçon à Aleppo, Syrie, va faire le prochain concours, probablement? Je pourrais pas le dire, mais c'est marquant. C'est marquant pour moi. On a ensuite, toujours avec Marie-Christine Perra, c'est pas mal sa grosse page, Marie-Christine. On a un finissage à la galerie R3 de Roger Gaudreau. Oui, qui est en fait chargé de cours pour le département de philosophie et des arts de l'UQTR et qui a fait une exposition à la galerie R3 de l'UQTR. Donc, Monsieur Gaudreau, qui s'est également allié avec Guy Tremblay, qui est un photographe. Donc, c'est une belle exposition qui allie toutes sortes de domaines. Ben oui, donc la photographie et les arts visuels, et qui donne un résultat très intéressant et qui met en scène notamment les arts autochtones, notamment. Et puis le vernissage au centre de l'exposition Raymond Lanier, c'est les œuvres de Karine Payette. Oui, exactement, qui essaye avec son art de mettre en interaction l'humain et l'animal. Comme quoi, ça reste deux êtres vivants qui sont intimement liés. Disons que la photo qui accompagne l'article est un petit peu épeurante. Là, on voit, c'est quoi, un rat, une souris, avec un bras humain qui sort d'une table. C'est un peu spécial. Mais quand on lit l'article, on comprend la signification. Voilà. Et on a aussi un article sur le Festival de poésie de Trois-Rivières. C'est la 10e édition. Oui, exactement. Le Festival de poésie, c'est toujours en parallèle avec le Festival international de poésie. Et cette année, le Off Festival va mettre des spectacles. Donc, ça va mettre en scène et ça va avoir lieu en fait avec... Oui, donc, il va y avoir deux groupes qui vont jouer pour le festival, c'est-à-dire avec Podcast et les Ghouls. Et les deux groupes vont être au Satyre. Au Satyre. Oui, pour le festival. Voilà pour les arts et spectacles. Il nous reste seulement les sports avec Tania. On va faire un petit survol parce qu'on a parlé pas mal dans Sport et Filoché tantôt. On va passer un petit peu moins de temps que d'habitude. Oui, en effet, mais tout juste avant ça, il y a Étienne Capot, notre journaliste qui nous a interviewé, qui parle de la... C'est bon de le rappeler. C'est ça. Qui nous parle de la 25e édition du Salon des vins qui a très bien été... Oui, qui a été un succès. Donc, ça permet aussi à des artisans et des entreprises locales de se présenter, notamment à la Maison de débauche. Aussi il y a même Au pied de cochon qui est venu à Trois-Rivières pour faire déguster leurs produits. Mais aussi, ce qui était bien, c'est que c'était pas juste, en fait, un salon hédoniste. C'était juste, justement, pour mettre en lumière les artistes locaux. Mais le but, c'est de ramasser de l'argent pour les athlètes sportifs, pour pouvoir leur donner des bourses pour qu'ils puissent se concentrer à leur sport et non de devoir travailler et étudier en même temps. Mmh. Donc, ça sert à donner des bourses pour nos athlètes. Je veux... Oui, vas-y. Oui, vas-y. Ben, je voulais juste souligner, en fait, le geste qui a été fait, qui était vraiment très, très apprécié. Donc, en fait, c'est l'événement qui permettait aux gens de déguster beaucoup d'alcool, on s'entend. C'était une dégustation de vin. Alors, l'université a quand même jugé qu'il serait responsable d'offrir un alco-test aux participants. Ah. C'est la Fondation Catherine Beaulieu qui était sur place afin d'offrir le service, en plus d'offrir un service de raccompagnement et de sensibiliser les gens au danger de l'alcool au volant. Donc, les profits du service vont être divisés entre la Fondation et la Fondation de l'UQTR. Cool. Voilà. Tu peux retourner la main. Merci beaucoup, c'est ça que je voulais dire en plus. Ah, ben, c'est bien, mais tu le dis tellement bien. Ah, merci. Je devrais faire ma chronique à... Non, c'est ça. Il commence par se battre, puis après, il se complimente les uns les autres. Ah, c'est beau à voir. Du côté du sport, eh bien, les Patriotes sont prêts. Oui, après... C'est tout. On en a parlé tantôt dans Sport et Flash. Oui, parce qu'ils ont eu une très, très belle année l'année passée. Donc, ça a été une année victorieuse pour les Patriotes, notamment la Coupe Queen pour l'équipe de hockey. Il y a Guillaume Asselin qui a fait le camp des recrues du Canadien aussi. Il y a même là-dessus une brève sur Guillaume Asselin. Okay. Donc, il y a aussi l'équipe de soccer masculine qui était en demi-finale provinciale, le cheerleading qui a été en deuxième position au niveau provincial. Il y a même le volleyball féminin qui s'est rendu en finale également aussi. Donc, ça a été une très grosse année et on s'entend à ce que l'année 2016-2017 soit aussi bonne. Mm-hmm, tout à fait. On fait aussi un petit retour sur les Patriotes de septembre parce que le Zone Campus sort là, mais il y a les déjà Patriotes quand même... de la semaine, c'est ça, à chaque semaine depuis le 5 septembre. Exactement. Ouais. Et on fait aussi un retour sur les Patriotes cheerleading qui ont été au spectacle hommage de Charlebois. Oui, l'équipe de cheerleaders des Patriotes de l'UQTR qui ont participé justement avec le Cirque du Soleil au spectacle de Robert Charlebois. C'est vrai que c'est une très belle expérience pour l'équipe de cheerleading, mais ça leur a pris aussi de nouvelles choses parce que, en fait, l'équipe de cheerleading font des trucs vraiment impressionnants, mais c'est pas nécessairement des artistes de cirque. Ouais. Donc, ça leur a permis aussi de se nourrir de la vie du cirque et des athlètes en cirque. Et voilà, c'est ce qui complète le Zone Campus. Oh oui, numéro 1 du volume 12, qui est en kiosque à partir de plus tard cette semaine, J'entends dire vendredi. Oh! Oui, mais c'est repoussé sans cesse depuis le début du mois de septembre, mais là, ça devrait être vendredi, puis après ça, aux deux semaines, les mardis. Oui, oui. Sauf que là, si vous voulez le voir en primeur, oui, vous pouvez le voir gratuitement en primeur ce soir, mais pour ça... Faut venir au 5 à 7 à la Chasse-Galerie. C'est gratuit, ça va vous permettre de voir de quoi a l'air le Zone Campus. Et de parler aux journalistes, peut-être pas à discuter d'actualité avec David Ferron, avec le reste de l'équipe. Rencontrer ces nouveaux visages que vous allez voir en photo à partir de vendredi dans le journal. Hein? Donc 5 à 7 à la Chasse-Galerie, c'est ce soir, je dirais à 17h. Oui, je n'ai qu'un seul indice. Pamplemousse. Pamplemousse. Retenez le mot pamplemousse et vous verrez ce que ça veut dire. Si vous suivez le Zone Campus depuis quelques années, vous savez ce que veut dire le mot pamplemousse. Mm-hmm. Ou pas. Voilà, merci David Ferron. Un journal qui va être en kiosque jusqu'au 10 octobre. C'est gratuit, c'est partout sur le campus du QTR, c'est dans plusieurs commerces à Trois-Rivières, comme le dit la publicité. Pour terminer la chronique, David, tu nous suggères deux petites pièces musicales en lien avec le journal de ce semestre-ci, de ce mois et demi-ci. Oui, on va avoir deux pièces. D'abord, la pièce « Oui » de Sean Phillips et également de la Claire Ensemble. La Claire Ensemble, c'est parce que Claude Bégin en fait partie. Ah, d'accord. Ah. Et Sean Phillips, parce qu'il y a eu un spectacle dont on parlait dans le Zone Campus. Exactement. Donc, écoutons Sean Phillips. Merci, David Ferron. Ben, ça fait plaisir. Merci de votre accueil. À la semaine prochaine, on se retrouve tous les mardis. Oui. À 8h30, nouvelle heure, pour ta chronique Zone Campus une semaine. L'autre semaine, c'est un avant-goût du prochain Zone Campus ainsi que de la musique du monde. Oui. But she does not know the price she has to pay. He could be a lover in the life she leads throughout the day. And they both could live together, they both could live in peace. They both could be in love together and make the world at ease. Floating through a sea of troubles that the world around them makes. And it really doesn't matter when you know love's pattern, but you know that it's all it's. Hey, hey, hey, hey, can she could be a mother and a daughter at the same time for me. And he could be a father and a son for a future family plan. And they could raise a lot of healthy children, yeah, bring them up in harmony, and teach them all the good things in this life, and most important, teach them how to be open and attentive and loving when the world around them shakes. And it really doesn't matter when you know love's pattern, but you know that it's all it every woman that's a living in the world today. And I is me. And I'm a looking for the woman that tells me she is free. And then we all can live together. We all can live in peace. We all can be in love together to make the world at ease. We're working through a sea of troubles that the world around us makes. And it really doesn't matter when you know love's pattern, cause you know that it's all it's big. Dans les fouetteurs de boîte. Ouais. J'ai des vieux rêves qui datent d'il y a plus que 10 ans. Qui donnent l'impression d'être encore en vie comme un lit. La vie m'a l'air de rehab, j'apprends continuellement rire. Vive le printemps, bloque mes ruelles, crotte des centres de lit. La récupération de taxes, ça ne pas pente de G-Dub. Mais on se rejoint chez mon couloir Bob et split les pointes de pizza. Les curieux nous demandent si on vit ça. On répond, yeah, les chiffres bougent plus dans nos comptes comme dans une game de Ouija. Name cocaine. No way, Jose, quand je soul train, fais le bow way music, balsamic redoussage, AC Asiatic do-rag. Spaghettini, Lamborghini, cold nights, Bottega Light. Prosciutto toes, no one could ever know. Tellement bon, tu gros les insectes de Joe pour essayer de cope. La vie est une joke, tout le monde est broke à sa façon. Kids and cop, ta viennoiserie au Costco à la gas. Le kicking Kong, le fructose dans le tapis, bring them on. Le pollen est familial, keep le nectar dans le money. Honey sur le cerisier, feeling like sunny, listen. Merisier dans cheminée, burn, burn. Be your god, but pesticide, I'm gonna be your dog. Good morning, Vietnam, come on, okay, mighty rap. What's up, bro? On cultive des costes, le bord de nos babines. Frère cueilleur, permaculture, act. Yo, des frères cueilleurs, société publique de fouetteurs de bouettes. J'veux rien savoir de mouettes, j'te laisse avec les mouettes. Dans le club, avec la section VIP que tu louais. Moi, j'passe vite, j'suis venu ramasser le pourcentage de couettes. Ah, oh, when I go out, c'est dans la cuisine à nat. And then I go back for mon fils pis ma femme. When we cash out, c'est dans le spectacle. Ce qui nous attirera au Chiaga, c'est les pâtes de crabe. Yo, Bobby, kick that slow ass shit. Bigger than the goons, bigger than your mama booty. Grab the doobie, Scooby Doo, we gather goodies. Come and group you, Lucy and the Scotty Shroomy. I'm a stupid, got this Suji, be too conduit à Suzuki. Grab the cheese, come and suri monga please. Bring him back, Linandis, Giuliani, Rudy. Gosh, spit balls, I forget you, manji, gloomy. J'tire un gros Winnebago dans mon Bugatti Louis. Oh. J'aime laisser ma trace dans les mags de catch. Un article sur ma vie de rap ferait pas de mal. Attention comment t'approches, produit, touche pas au God, he don't like ugly. Getzelé au bureau, blow impossible. Je représente pour toutes les régions du Bas-Canada. Les premières nations du rap québécois sont derrière moi. Prisonnier counting bars à l'arrière du quartier. J'avais des trop d'histoires, là j'passe à l'histoire. Tu fais le man, gospit, tu fais le man. I'm just sitting on the curb. Fouette, j'suis pas trop good à attendre toute la fin de semaine. Fouette good. Fouette. Vieux movie auquel on donne la couleur comme la mélanine. Le soleil est à peine levé sur la besogne. On met la main pis je sais que ton stress se pointe quand on élimine. Mais si t'es promis que t'allais faire de quoi faire le don maintenant. Avec le peu qui reste dans le paquet, on va get le bacon. Avec le bacon, on va get the weed. Pis les graines en fait que la pression, on est back sur shift. T'es absolument all good. C'était à la claire ensemble avec la pièce Fouette précédée de Sean Phillips avec Oui, Assemblage Rocky. Ah oui, oui, oui, oui, oui. Oui, c'est toujours Assemblage Rocky, l'émission matinale en pièces détachées. Il nous reste environ une quinzaine de minutes à l'émission. Aujourd'hui, on n'a personne après nous, donc on va pouvoir un petit peu quand même profiter du temps qui nous reste sans trop se stresser, Tania. Mm-hmm. N'est-ce pas? Même qu'en tant que tel, on devrait prendre la pub de 9h. C'est vrai. Est-ce qu'on fait ça? On peut. On prend la pub de 9h et on revient avec le vrai, le faux, un petit quiz blitz dans quelques instants. Reste là. Assemblage Rocky. Pour toi aujourd'hui. Assemblage Rocky. Oui, oui, oui, oui, oui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. Pour l'écouter. 89.1. Assemblage Rocky. Toujours à Assemblage Rocky en ce mardi 27 septembre 2016. Elle est Tania Bonin. Avec Mathieu Plante. On a gardé Dave Ferron de la chronique précédente pour la prochaine portion d'émission, la prochaine quinzaine de minutes environ, pour notre chronique Le Vrai Le Faux. Il m'a demandé pendant la pause, est-ce que c'est une nouveauté? Oui, en effet, on essaie d'avoir des nouveautés une fois de temps en temps. Pas trop, quand même, pour pas déstabiliser. Et aussi le fait qu'à chaque fois que j'amène des nouvelles chroniques, il y a tellement de chroniques maison qu'on n'a pas le temps d'en faire aucune. J'ai confié par faire juste les classiques, puis les nouveautés prennent le bord à un moment donné. Mais là, pour l'instant, on a du plaisir à faire ça. Et j'ai pas de chanson thème encore, donc imaginez-la. C'est une chanson qui s'appelle Le Vrai Le Faux. La la la, Le Vrai Le Faux, la la la, Le Vrai proche, Le Faux. Très proche. Le Vrai, à, Le à Faux. Ça. Le Vrai, Le Vrai, Le Faux. C'est vrai, Le Faux. Faut aussi que tu fasses la musique de fond après. Ça va, c'est de la mauvaise radio, c'est de la très mauvaise radio. Oh boy. Donc, la raison qu'on a gardé David Ferron, c'est pour pouvoir participer au quiz. Je vais essayer de prendre le pointage sur une feuille. Je me suis fait un petit D, hein, et un petit T, hein. Moi, je participerai pas parce que je connais les réponses. Moi, je m'appelle Thomas et ta collègue, c'est Diane. Diane. Ah oui, Lavallée. Ben oui. Voilà. Donc, le vrai, le faux, c'est le jeu où on essaie de déterminer qu'est-ce qui est un mythe, qu'est-ce qui est une vérité absolue, selon plusieurs sites que je rassemble. Il y en a plusieurs, des sites qui essaient de démystifier la réalité. Tout ce qui est sur Internet n'est pas nécessairement vrai, comme on dit. Commençons par, est-ce que c'est vrai que lors de l'équinoxe, hein, l'équinoxe permet à des balais ou à des œufs de rester droit debout, sans manipulation physique? Est-ce que c'est vrai à l'équinoxe qu'un œuf ou un balai peut tenir debout? Je veux dire oui. Tania dit vrai. Vrai aussi. David dit vrai, mais ça fait 0-0. Oh, ben tabarnouche. Et une propriété spéciale, donc, des œufs et des balais ne permet pas. Non, la force gravitationnelle, c'est bon, 365 jours, ouais, c'est vrai. C'est ça. Vrai. Donc, vers le 20 mars et le 22 septembre environ, tous les médias sociaux partagent cette nouvelle-là, un peu comme la semaine passée par rapport à l'Halloween qui tombait sur un vendredi 13, que Tania a dit que c'était vrai. Hey! L'Halloween, c'est un 31 octobre. On a dit qu'on n'en parlerait plus, OK? Donc, l'équinoxe hivernal et automnal, c'est les deux jours par année où la longueur de la journée et la soirée de la nuit sont les mêmes. On entend toujours parler de cette propriété magique-là. Il y a rarement une année qui passe où une station de télé local n'envoie pas un journaliste dans un parc, peu importe, pour faire le test. Et évidemment, c'est complètement faux. Il y a beaucoup plus de détails. Les articles sont toujours super longs. J'aimerais pouvoir les lire au complet, là, mais en gros, c'est faux. Hein? On a vu entre autres des photos de balais qui se tenaient tout ça dans un magasin à une pièce. Là. C'est particulièrement drôle de voir ça sur Internet et les gens qui tombent dans le panneau. Ensuite, vous avez peut-être vu passer dans les médias sociaux deux photographies de septembre 2016 qui ont l'air de montrer une différence marquée entre Donald Trump et Barack Obama par rapport à la situation de leur parapluie. Donc, on voit Donald Trump avec son parapluie et sa femme à côté, alors que Barack Obama, le parapluie est sur sa femme avec un aide, alors que Obama, lui, marche sous la pluie en grand bonheur, plaisir, etc. Donc, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? C'est faux. Faux pour David. Moi, je veux dire que j'ai foi en Barack. Ah, foi en Barack. Je veux dire, c'est vrai. Tellement galant. Non, ça va être 1-0 pour non! David. Oui. Donc, la photo qui montre Donald Trump utiliser un parapluie pour se garder au sec lui-même alors que sa femme est à l'extérieur et le contraire, c'est faux. Ça vient de septembre 2016, un graphique qui montre ces deux photos-là. Donc, la réalité de la chose, c'est que... Oh, le wawaron me fait un petit peu faire le saut. C'est pas un portrait précis du caractère moral des deux hommes. Comme certains l'ont dit, l'image pourrait être utilisée pour être pro-Obama ou pour pro-Trump, peu importe. Mais peu importe comment on les interprète, c'est une série de photos par le Tampa Bay Times prise le 7 septembre 2016. D'autres photographies montrent Trump. Et c'est pas sa femme qui est à côté, des blondes, ça s'en ressemble souvent. C'est l'attorney générale de l'État de la Floride, Pam Bundy, qui marche sous le même parapluie dans le reste de la série photo. Et on voit aussi dans le reste de la série photo Barack Obama et d'autres madames qui marchent sous le même parapluie. Donc c'est juste qu'on a choisi de montrer ces images-là, ouais. Mais ça faisait partie d'une grande série où il était des fois devant en dessous du parapluie, des fois pas. Donc on se comprend sur le principe. La tournée démocrate. Voilà. Oui, démocrate, Pam Bundy? Non, mais c'est comme ça, pourquoi il était pas en dessous du parapluie, là? C'est parce qu'il est démocrate. Ouais. C'est la faute de Hillary Clinton. Prochaine nouvelle, on essaie de déterminer qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Un article qui parle d'une femme qui s'est fait enlever un chaton, oui, un chaton, de son entrejambe féminin. Elle voulait simuler la sensation d'être enceinte. Hey man, le monde sont tellement bizarres, là. Ça mérite pas un article aux ondes campus. Ça va faire la une. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, une femme qui voulait simuler la naissance en se mettant un bébé chat dans le bébé... Peut-tu savoir, elle venait d'où? Oui. Pas que je juge les gens, là, mais... Attends un petit peu. C'était, est-ce que ça le dit, dans Las Vegas? OK, à Las Vegas, je dis que c'est vrai. Oh, David? Donc, t'as poussé une c'est ça? Poussi une poussi, exactement. Vrai. Vrai. C'est faux. Donc, vous avez dit vrai les deux, donc pas de point dans ce cas-ci. Donc, c'est pas vrai du tout. En fait, c'est le site Now 8 News, qui est un site très connu pour ses fausses nouvelles. C'était publié le 20 mars dernier. Un article qui disait qu'une femme essayait donc d'avoir l'air enceinte. Et en fait, elle s'est présentée à l'hôpital disant qu'elle était enceinte, en détresse, et s'est fait enlever un bébé chat de son canal vaginal dans la salle d'urgence. C'est ça. C'était reproduit par plusieurs sites de nouvelles virales, et c'est complètement faux. Ensuite. La police qui s'est accidentellement enregistrée en train de fabriquer des accusations criminelles sur une personne. Évidemment, on sait que présentement, la controverse est sur les personnes de race noire ou afro-américaine qui se font tirer par des policiers blancs. Donc, est-ce que la police a accidentellement enregistré leur conversation en train de fabriquer des accusations criminelles? Vrai ou faux? Vrai. Vrai pour David. Dans quel état? Un instant, c'est dans le Connecticut. Vrai. Vrai. Ah, Colin, ça avance pas, il est point 0-0. Ah! Non, c'est 1-0, pardon, pour David, mais pas de point dans ce cas-ci. C'est plein de jugements, hein, ce que je disais. Absolument, ça n'est pas de la région, mais j'avoue que le sud, tu sais, puis en tout cas, bref. Dans le fond, il faut tout le temps faux. Ouais, c'est ça, c'est ah, ça. Ah, mais j'essaie de varier, là. J'essaie de. Je fais mon possible. Il n'y a pas beaucoup de vrais, là, à date. Je sais, mais il y a des semaines où c'était. Il y avait plus de vrais. C'est vrai. En tout cas, j'essaie d'être équitable, quand même. Donc, l'American Civil Liberties Union poursuit un officier de police de l'État du Connecticut après que les agents aient accidentellement enregistré leur conversation en train d'essayer d'attraper ou de piéger un manifestant. C'était les State Troopers du Connecticut qui ont arrêté Michael Picard en septembre 2015. Alors qu'il était en train de faire de la manifestation à un point où on vérifiait la conduite sous influence. Pickard était très intéressé par la loi constitutionnelle et les droits à la vie privée, et donc il croyait que c'était à lui de trouver où étaient les points par rapport à ça, aux conduites sous influence, dans la région de Hartford, et d'enregistrer les officiers de police. Selon la plainte au US District Court par le ACLU, Pickard était déjà connu par les autorités. Donc les officiers ont approché Picard et ont confisqué sa caméra, disant que c'était illégal de les enregistrer. Le directeur légal du ACLU au Connecticut, Dan Barrett, qui représente Picard, a dit que leurs actions étaient répréhensibles. Picard a apparemment pris la caméra et a continué d'essayer d'enregistrer. Les officiers lui ont retiré sa caméra, ne réalisant pas que la caméra roulait toujours. Il fallait voir les extraits vidéo à partir d'une minute deux sur la vidéo d'assemblagerequis.com dans l'émission numéro 996. Donc c'est bon. Ensuite, toujours dans la chronique de Le Vrai Le Faux, on parle de cire de canoba qui serait utilisée pour ajouter une petite brillance attirante, surtout comme les voitures, les bonbons et les gummy bears. Donc une cire de canoba qui serait la même qui est utilisée sur des voitures que sur des gummy bears. Est-ce que c'est vrai ou faux? Tu parles de la cire exacte ou une propriété de la cire qui est réutilisée? En tant que telle, la question est sur la cire de carnauba. Est-ce que c'est utilisé sur les voitures et sur les... En tant que telle, je vais juste lire un petit peu mes réponses pour m'assurer de comment je devrais poser la question pour essayer de vous aider un petit peu. Est-ce que c'est la même cire qui est utilisée sur les voitures et sur les gummy bears? La question va être posée comme ça. Je vais dire non. Faux pour Tania. Faut que je dise vrai ou faux, là. Ouais. Je dirais vrai. Toi, tu dis vrai, toi, tu dis faux. Je vais donner le point à David. Quoi? Et je vais donner un demi-point à Tania. Okay. Parce qu'en tant que telle, la réponse est vraie et faux, mais plus du côté du vrai. La cire de carnauba qui produit un gloss, une brillance, qui est utilisée dans plusieurs produits, dont les cires automobiles et les bonbons à saveur de fruits. Ça, c'est vrai. Par contre, manger des gummy bears n'est pas l'équivalent de manger de la cire pour la voiture et c'est donc pas dangereux en tant que tel. Ben, c'est ça. Donc, oui. D'où ma question, est-ce que c'est la même propriété ou c'est exactement la même chose? Ouais, mais ça, fallait poser cette question-là. Fallait formuler la question d'une façon ou d'une autre. Là, ouais. Même ça, c'est un choix éditorial. Okay, c'est beau, je t'ai quand même donné. On prend chacun 0.5 points. On se donne 1.5 chacun. Tu t'enlèves un demi-point? Parce que si tu t'enlèves un demi-point puis tu donnes à Tania, ça lui fait un point complet. Yes! Ouais, mais il est déjà à 1, non? 1.5. Je suis déjà 1.5 pareil. C'est ça. Donc, il me quand même demi-point à date. Tania, ça fait un point, donc un point. David. C'est bien arbitraire un comme point jeu. Un contre un. Okay. Non, mais il faut quand même être juste, là, c'est quand même un jeu. Pendant plusieurs années, donc, les rumeurs circulaient par rapport aux bonbons gommis qui utilisaient de la cire de voiture comme ingrédient, ce qui n'est pas vraiment le cas. Donc, on voit cet ingrédient-là dans plusieurs choses. Quelle est la vérité? C'est que oui, donc, les gummy bears de marque Haribo sont finis, sont illustrés avec de la cire de carnauba, tel qui est mentionné sur le site même de Haribo. On connaît Haribo, c'est les petits jujubes avec les petits nounours dessus. Ah, oh, ben Haribo, oui, on connaît ça. Haribo, donc, l'ingrédient primaire des gummy bears, c'est du sucre, du sirop de glucose, de l'amidon de maïs, des saveurs, colorants alimentaires, acide citrique, gélatine. Dans les bonbons Haribo, la cire de carnauba produite à partir de feuilles d'arbres brésiliens qui sécrètent de la cire de carnauba qui sont pour se protéger, en fait, pour les protéger du soleil chaud. Et c'est ce qui finit le produit avec un petit shine esthétique. Donc, aux États-Unis, les étiquettes alimentaires doivent lister tous les ingrédients en ordre de poids inversé, donc le plus vers le moins. Donc, les ingrédients qui sont les plus utilisés sont en premier, les ingrédients les moins utilisés à la fin. Si on regarde la liste d'ingrédients des Haribo Gummy Bears, on voit que la liste se termine, oui, par la cire de carnauba, donc c'était à la toute fin. Même après, les colorants artificiels, c'est quand même à la toute fin. Voilà. Donc, les Gummy Bears ne rouilleront pas. Ouais, c'est ça. T'as bien compris. T'as bien analysé la nouvelle. Ensuite, la moitié des fusils aux États-Unis sont la propriété de 3% de la population américaine. Est-ce que c'est vrai que la moitié des fusils aux États-Unis sont la propriété, donc leurs propriétaires, sont 3% de la population américaine? Vrai ou faux? Genre leurs propriétaires, ceux qui les ont faits ou qui les ont achetés, qui en sont propriétaires? Je veux dire, c'est faux. Faux pour Tania, David. Ouais, je sais que c'est très permissif, mais je dirais faux aussi. 3%, là, c'est pas beaucoup, mais ça. Pas de point là-dessus. Hein? Non. C'est vrai? Non. C'est une nouvelle étude académique qui nous apprend que, ben oui, que la propriété de la moitié des 265 millions, ça c'est un estimé, d'armes à feu aux États-Unis, sont concentrées de la population. Ça fait combien? Attends, je vais calculer ça. Quoi, calcule ça pendant qu'on en parle. Donc, c'est un sondage qui n'a pas encore été publié de 4000 Américains conduit par des chercheurs en santé publique à l'Université de Harvard et à Northeastern University. Ils nous apprennent donc que la moitié des fusils de la nation sont propriété de seulement 3% de la population. Selon The Guardian. Chacun de ces 7,7 millions de super propriétaires, comme on les appelle, les hardcore super owners, ont accumulé entre 8 et 140 armes à feu chaque, selon les chercheurs, alors que la majorité des 55 millions de propriétaires de fusils sont en moyenne propriétaires de 3 armes seulement. Oh, ouais. Le sondage nous indique que le nombre total d'armes à feu en circulation est de 265 millions, moins la figure qu'on entend souvent, qui est de 300 millions, qui est souvent citée lors de débats sur le contrôle des fusils. Les sondages de fusils typiquement ne demandent pas combien d'armes à feu sont dans chaque maisonnée. Le chercheur en fusil à Duke University, Phil Cook, a dit au Guardian, il a dit ça, ce qui fait que c'est plus difficile d'en arriver à un total précis. Cook a parlé en bien de l'étude en disant que c'était un sondage de très haute qualité, alors que les sondages de propriété de fusils sont souvent critiqués sur la base que plusieurs propriétaires ne voudraient pas partager autant d'informations avec quelqu'un qu'ils ne connaissent pas au téléphone. Mais dans ce cas-ci, les participants ont été interviewés en ligne, donc ils n'ont aucune raison de cacher leurs informations. Il y a beaucoup plus de détails sur l'article sur assemblagerequis.com. Donc en tant que tel, les super propriétaires sont propriétaires de la moitié des fusils. Ils composent seulement 3% de la population. Il nous en reste quelques derniers. Vu qu'on peut dépasser, on peut plus vraiment dépasser l'émission de nos jours, les lundis et les jeudis, donc le mardi, on va se le permettre un petit peu. Allons-y avec une petite entreprise au Canada qui offre un emploi et une terre à ceux qui veulent se relocaliser en Nouvelle-Écosse. Seulement ceux qui ont envie de travailler en Nouvelle-Écosse. Est-ce que c'est une petite compagnie, oui, offre un travail et une terre aux gens qui veulent se relocaliser en Nouvelle-Écosse? Genre une compagnie agricole. Une compagnie. Peut-être agricole. Nouvelle-Écosse. Mais peut-être, non, ça c'est les du précédent. Qu'est-ce qu'il y a en Nouvelle-Écosse? Pas grand-chose. C'est pour ça qu'ils font ça. Je dirais vrai. Vrai, ok. Moi, je dirais vrai et faux. Ouais, là, ça va être difficile parce que c'est en effet un vrai et un faux en même temps. Oh! Vrai et faux, ça veut dire que deux demi-points, ça fait un point au complet, je pense. Hein? David, t'as un demi-point parce que c'est la moitié de la réponse. Hey, donc ça veut dire qu'on est à égalité. Ouais. Hein? Pourquoi tu penses que j'ai fait ce calcul savant dans ma tête? Oui, vous êtes à égalité. Donc, une petite entreprise canadienne qui offre un emploi et une terre à ceux qui sont prêts à se relocaliser en Nouvelle-Écosse, ça, c'est la partie qui est vraie. Faux, par contre, c'est que l'offre n'est pas ciblée envers. En fait, j'avais même pas parlé de ça dans la question en tant que telle tantôt. Mais parce qu'il y en a qui pensaient que c'était par rapport aux Américains qui voulaient déménager au Canada après l'élection de Donald Trump. Mais pourtant, c'était même pas mentionné dans le haut de l'article, donc j'aurais pas pu m'en rappeler. Mais mon pointage est déjà calculé, fait que ça va être. Mais il doit avoir des conditions pareilles, là. Oui, absolument. Donc, c'est pour on ça dit que c'est vrai, il faut. Exactement. Donc, on dit que. Les Américains étaient très excités lorsque les entreprises canadiennes postaient des offres d'emploi pour se relocaliser au pays. Le 28 août dernier, le Farmer's Daughter, dont tu avais raison par rapport aux fermes, Country Market a posté une annonce sur Facebook disant qu'ils offraient des emplois et 2 acres de terre aux gens qui voulaient se relocaliser. Hey, c'est quand même gentil, hein? Oui, à Cap-Breton. En Nouvelle-Écosse. Malade, c'est là qu'ils font les petits bretons. Farmer's Daughter Country Market. c'est ça, ils disent que ça n'a pas rapport avec les élections américaines. Ils notent que cette opportunité-là est seulement disponible pour ceux qui ont déjà la résidence canadienne ou un statut de citoyen. Ah, ouais. C'est ça. Est-ce que. Oh, ça, c'est intéressant. Alors là, c'est la question qui nous divise. La question qui va vous diviser, parce que les scores sont déjà comptés. On est 2-2 dans le vrai et le faux, donc on essaie de déterminer qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Est-ce qu'un 13e signe astrologique, vous avez sûrement entendu parler de ça dans les nouvelles, est-ce qu'un 13e signe astrologique a été inventé par la NASA? Je vais dire non. Non. Ils ont autre chose à faire que d'inventer des signes astrologiques. J'irais faux aussi. Quand il va falloir une autre, un bris d'égalité. Oh! Non. Attends un peu, non, attends, vous avez dit, excuse-moi. On a dit que c'était faux. Je suis un mauvais animateur, vous avez tous les deux raison. Ça fait qu'il va falloir un bruit d'égalité, mais ça veut dire la même chose, c'est ce que je voulais dire. Donc, non, il n'y a pas de 13e signe astrologique. Panique dans la presse féminine anglo-saxonne, la NASA annonçait donc l'existence d'une 13e constellation, le Serpentaire, et tous les signes du zodiaque sont décalés. Une information qui n'a pourtant rien de nouveau et donne l'occasion de rappeler, si besoin est, qu'astrologie et astronomie ne font pas bon ménage. Tout est parti d'un site pédagogique de la NASA expliquant ce que sont les constellations du point de vue astronomique, mais faisant l'amalgame entre l'astrologie et l'astronomie, des magazines féminins se sont emparés de l'information en suggérant que la NASA avait changé les signes. Pourtant, pour les astronomes, il n'y a vraiment rien de neuf sous le soleil. Ce sont les Babyloniens qui sont à l'origine du découpage du zodiaque il y a environ 3000 ans. Chaque matin, le soleil se lève dans une constellation située dans le plan de l'écliptique. Les Babyloniens ont choisi de diviser le zodiaque en 12 parties égales, comme le nombre des mois, même si les constellations n'ont pas toutes la même taille. Ainsi, le soleil reste plus longtemps dans la constellation de la Vierge pendant 45 jours que dans celle du Scorpion, qui reste 7 jours. Il reste aussi 18 jours dans la constellation du Serpentaire, qui n'a pas été retenue par les Babyloniens. En plus de ça, les dates auxquelles le soleil passe dans les constellations ont bougé par rapport à l'Antiquité. On pourrait dire, en simplifiant, que tous les signes du zodiaque sont décalés d'un mois. Par exemple, une personne dont l'anniversaire se situe le 4 août était bien née sous le signe du Lion à l'époque des Babyloniens, mais aujourd'hui, elle serait un Cancer. Bref, si votre horoscope du jour ne vous convient pas, prenez celui d'à côté, comme nous dit Futura Science. Bon, donc là, on était 3-3. Il faut départager. J'espère que la prochaine va être la bonne. On parle de téléphone Samsung. Vous savez que les téléphones Samsung explosent. Oui. Et on a parlé donc d'une explosion d'un camion, une explosion qui aurait été fatale par rapport aux batteries de Samsung. Est-ce que ça aurait fait exploser un camion? Est-ce que ça aurait tué quelqu'un? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Espérons que ça va départager la chose. Je pense que c'est faux parce que ça doit être sûrement l'utilisation de cellulaire que ça explose. Ça. Fait que c'est comme un vrai et un faux. T'es en train de dire que c'est comme un vrai et un faux. Est-ce que tu fais ça juste pour que ça arrête ici, la chronique, Tania? Non, moi, je suis d'accord avec Tania, c'est un vrai et faux aussi. Vrai et faux. Ouais, non, moi David, t'es pas d'accord, David, toi, c'est faux. Faut prendre ta première réponse. Donc, David, c'est faux, donc ça donne un point, t'es rendu à 4. Et Tania, t'as juste une demi-réponse parce que c'est en tant que tel juste faux, donc t'as 3,5 points. Voilà, une chance que j'ai pris ta première réponse, David. Une chance. Hey, ça en allait durer comme moi. Oui, je sais. Ça aurait juste duré et tirer la suspense. Et quand on n'a pas le luxe d'un montage comme les quiz à la télé où on peut juste enlever les portions qui sont redondantes et qui ne servent à rien. Donc, le camion qui transportait des téléphones Samsung qui aurait explosé tuant 3 personnes, c'est complètement faux. Ça s'est passé donc le 1er septembre dernier. World News Daily Report a publié un article disant ça. Samsung, c'est vrai, a rappelé des téléphones cellulaires. On est tous d'accord là-dessus. Samsung, leur nouveau Samsung Galaxy Note 7 qui explose lorsque chargé trop... lorsque chargé, finalement. Donc maintenant, il y a un nouveau modèle, il faut le faire échanger, etc., etc. Mais World News Daily Report, c'est toujours des fabrications toujours extrémistes avec des photographies utilisées de d'autres articles qui attirent un grand public via les réseaux sociaux vers des trucs qui sont complètement faux. D'autres reportages de World Net... World News Daily Report parlait entre autres d'un enfant aux Philippines avec des stigmates sur les mains, un gagnant de la loterie qui est mort après s'être fait plaquer son appareil génital doré. Donc, toutes des fausses nouvelles extrémistes de la part de WDNBR. C'est là que ça vient, le Pussy n't a Pussy? Pussy n't a Pussy? Non, ça c'est Now News 8. Il y a beaucoup de sources pour des fausses nouvelles et c'est ce qui fait notre bonheur dans le vrai et le faux. Oui. Le score est donc de 4 pour David Ferron à 3,5 pour Tania. Mais félicitations, David. Félicitations aussi, Tania. T'étais très proche à 2 points. Merci. Bravo. Félicitations. Félicitations, David. J'ai trop peur que tu me griffes. Ça sera la même. J'ai trop peur que tu me griffes. Puis de briser tes ongles. Non, ça va se correct. Ils sont solides. Merci d'avoir participé donc à Le Vrai Le Faux. On fait ça une fois de temps en temps quand ça nous donne à l'assemblage. Recule, c'est une nouveauté de cette session aussi, puis ça m'amuse. Mais nous, c'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Ah oui, c'est déjà terminé. On a quand même duré un petit peu plus longtemps que prévu. Donc, je pense, je sais pas si on a utilisé le bon lubrifiant pour se rendre jusque-là. Oh boy. Merci à David Ferron. Merci à toi, Tania Baudin. Merci à toi, Mathieu Plante. Bien sûr, restez sur nos ondes. Nous sommes mardi, donc à partir de 10h, ce sera la rediffusion du Mathieu Plante Show, dont je vais rester avec vous, mais en rappel quand même. Ensuite, à midi, la rediffusion de Rock de Neurones sera là. À 14h, Tania et moi serons de retour pour les Palmarès C'est Fou, l'émission qui fait le décompte top 40 de la semaine. Ah, pour vrai? Ah oui, 19h, c'est réanimation, l'émission de métal et d'horreur. Cif.ca pour la programmation complète, assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balados diffusion. On va se quitter comme ça, et puis on jouera d'autres musiques demain. Parce que là, on va pas finir ou à 10h. Ou après-midi. Ou cet après-midi, au Palmarès C'est Fou, exactement. Soyez-y. On va être là entre 14h et 17h. On a un petit genre de 20 secondes pour parler. Café froid, ça serait le fun. Café point. Café viennoiserie. Le gars, tantôt, la porte est barrée. Fait que j'espère qu'il a pu se rendre pour livrer ses viennoiseries. Ah, j'espère. Sinon, il y a beaucoup de gens qui vont être tristes. Ouais. David, combien de café à date? Tu t'es levé à quelle heure aujourd'hui? Hier, tu t'es levé à 3h30 ce matin. Aujourd'hui, c'est mon premier café. Good! Oh! Premier de combien? On verra. Hey, bonne journée! Bye! Bye, bon café! Bye.